Si longue, si pesante. Et vous êtes donc connecté avec nos invités aujourd'hui en la personne de Monsieur Arnaud qui est présent pour nous faire, pour parler de sujets divers et variés, mais surtout aujourd'hui d'un thème qui nous a tous intéressés. Vous en reviendrez, vous allez comprendre par la suite. Et on a notre ami Drex qui est en train de s'affairer dans les méandres des soucis techniques indépendants de notre volonté. N'est-ce pas, Drex? N'est-ce pas? Et donc, on va vous balancer, puisqu'on est là pour parler de musique. Avant tout, c'est la Big Antenne. On est là pour se retrouver tous ensemble. Il fait beau, il y a du soleil. Et ça réchauffe les cœurs, bien évidemment. On va commencer sans plus attendre en musique, messieurs, dames. On va commencer sans plus attendre avec les Beastie Boys. On revient tout de suite après. Yo, ladies and gentlemen, petit souci technique qui semble a priori résolu. Petit souci technique qui va nous accompagner tout au long de l'émission dans la joie et la bonne humeur. Donc, messieurs, dames, vous êtes sur le 107.0, la fréquence des pingouins, la fréquence qu'il vous faut. On a notre ami Drex ici présent. Drex, tu dis bonjour aux gens, mal poli que tu es. Non, Drex n'a pas l'air décidé à parler, notre ami Drex. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Une émission donc qui s'annonce haute en couleurs, messieurs dames. Une émission qui s'annonce haute en couleurs et en rebondissements. C'est toujours un plaisir donc de vous retrouver. On vient de vous laisser juste à l'instant avec donc deux morceaux qui sentent bon l'été. Deux morceaux des Beastie Boys sur l'album Hello Nasty. C'est le cinquième album du groupe. L'avant-dernier du groupe avant la mort d'un ADMC. Ah, je ne saurais plus vous dire lequel. Enfin, toujours est-il que voilà, les Beastie Boys qui ont une carrière qu'on ne présente plus. Les Beastie Boys ont commencé aux côtés de grands groupes comme Bad Religion, comme Oui, à la base, c'était effectivement un groupe de hardcore, ouais. Oui, effectivement, et c'est vrai que du coup, ça a fait, ça a eu une énorme influence, les Beastie Boys. Ils ont ouvert un peu le rap des ghettos. Ils l'ont ouvert à entre guillemets, un public plus blanc, on pourrait dire, qu'ils ont démocratisé ça. Et c'est vrai que tout au long de leur carrière, ils ont quand même mis en avant les luttes sociales. Ils se sont engagés pendant la guerre en Irak, ils se sont engagés contre les violences faites aux femmes aussi. C'est vrai que c'est toujours un groupe que j'apprécie beaucoup, que je respecte énormément, tant dans l'influence qu'ils ont eue que dans les références. Là, sur le morceau qu'on vient de vous balancer, il y avait un sample sur le morceau Intergalactique. On a d'un côté un sample de Rachmaninoff, le compositeur américain, et de l'autre un sample de Toxic Avenger. Donc il y a des références bien, bien sympathiques comme on aime, quoi. Il y a des références bien sympathiques. Comment ? Oui, effectivement. Après, c'est deux cultures différentes. Ouais. Toxic Avenger ou Rachmaninoff, vous faites votre choix ou vous faites un mix des deux, comme ils ont fait habilement nos amis. Pardonnez, les Beastie Boys, tout simplement. Donc, Arnaud, tu es venu ici en qualité d'invité. Il me semblerait que tu as une voix un peu faiblarde, mon petit Arnaud. C'est vrai qu'on t'entend très peu, c'est un peu le bordel ici-bas, messieurs, dames, je vous avouerai, c'est les aléas du direct, bien évidemment, ça c'est toujours le problème. On va régler ça en attendant, avant de trouver la solution à notre épineux problème, on va vous balancer un peu de musique. En attendant, malheureusement, c'est une émission de déconfinement, donc c'est comme le vélo, en principe ça s'oublie pas, mais bon, faut remonter un peu en selle avant de... Il faut se casser un peu la gueule quelquefois pour remonter en selle. On va vous balancer, messieurs, dames, on va vous balancer deux morceaux. Moi, j'avais décidé de vous balancer deux morceaux des poteaux de Strasbourg, de FDP 666. C'est des mecs qu'on retrouve dans un projet plus punk avec People Talk. Là, c'est un projet d'un des guitaristes, je crois, du groupe de People Talk. Et donc, ils sont deux avec DJ VLC. Et moi, j'aime bien, c'est rafraîchissant comme son. Ils ont un discours qui est, à mon sens, trop peu courant dans le rap vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'homophobie, vis-à-vis de la misogynie. Et c'est agréable d'entendre des MC qui ont un discours qui change comme ça dans le hip-hop. Donc on va vous balancer ça, on va revenir tout de suite après pour en parler un peu plus, messieurs, dames. Restez connectés, vous êtes sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. Bien évidemment, here we go again, motherfucker. MC, suce-moi, j'ai la queue dure comme un Kubota. Pas de langue de bois, j'adore ça. Tu marques ma queue et mon peura. Ma vie est triste devant banale. Mais ce que j'en fais, la rend incroyable. Viens te ressourcer auprès de mon zizi. Des oasis, un oasis. T'es tout musclé, j'suis pas taqué. Mais c'est mon terrain que tu vas attaquer. Comment ça se fait, j'suis ébatté. J'te caresse la tête, t'es rassuré. J'te suis sur mes faces, café de tu touches mon bibi rasé. Lentement, je vois ta gaule. Alors joue ton rôle, toute cette timidité, c'est un peu drôle. Ah putain, j'ai réveillé ma tendinite à l'épaule. En te dis quand t'as ma soirée de gogol. Donc quand tu prendras tout le truc dans la gueule, tu feras plaisir, tu fermeras ta gueule. M6 alors pour style oblige. Ça pour ce multisyllabique. Ne méfie pas si le sperme pique. La descendance est rissée comme la peau de la triche. Avant que tu décides, si j'suis Kefraïli. J'arrive dans le cul. Pour toutes les idées, mais j'suis tellement blindé. J'me défends même plus. J'arrive dans le rage, fais amour en chaussette, ça accélère. Comme j'ai mes tennis avec lui, dis ça vient. Et je vois qu'il reste. Et ouais. Tu m'as pompé, j'suis au moins prêt. Les petits garçons veulent qu'on s'occupe. Ouais, on voit les lumières rouges, ouais. Là, tu m'entends? Tu m'entends, là? Ok. Je facture mes baisses comme des dialyses. Les sommes sont l'accident qui te paralyse. Je suis reçu dans ta bouche comme Madame la Marquise. Toujours une rockstar, même dans le désespoir. Y'a plus rien, y'a bête. Les streamers payent un chouette. J'ai pas s'arraché les dents pour me sucer facilement. Oh, Drake, ça va? Ouais, tu m'entends? Ah, bah, je m'entends aussi. Tes prestations c'est uniquement que d'étalonnage. Personne sait qui t'es comme Corinne Lepage. Quand j'arrive le public devient anthropophage. Fin ils ont faim mais pas de ta variété. Ils veulent révolution comme la qui est Harlem Guillotine. Aux ordures viens arracher des têtes. Sors du hara des pains, tu sors du centre équestre. Tu es 200 enfants, on vient tuer 200 enfants. Tu es 200 enfants, j'espère ton fils sera dedans. On vient tuer 200 enfants, on vient tuer 200 enfants. Tu es 200 enfants, finir le taf de l'avortement. On vient tuer 200 enfants, tu es 200 enfants. Tu es 200 enfants, j'espère ton fils sera dedans. On vient tuer 200 enfants, on vient tuer 200 enfants. Tu es 200 enfants, finir le taf de l'avortement. Oh my god, what is this big antenne? Oh, what the fuck is going on? Oh, what the fuck is going on? On vous entend, messieurs, dames, on nous entend et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, la panique est résolue. Plus de peur que de mal. Et maintenant, vous allez pouvoir subir nos élucubrations et nos insanités pendant 3 heures. Émission spéciale, messieurs, dames. On est déconfinés, ça fait plaisir et tout fonctionne comme sur des roulettes. On est déconfiné, ça fait plaisir de revoir ses copains après ces temps d'isolement dur que l'on a vécu. On vient de vous balancer juste dans les oreilles, messieurs, dames, pour vos petites oreilles chastes et fragiles, deux morceaux de FDP 666 avec le titre Suce-moi, c'est évocateur. Mais justement, faudra que tu réécoutes, Arnaud, à l'occasion, assidûment les paroles, parce que paraît-il que le rap, ça s'écoute, enfin, faut écouter les paroles aussi, paraît-il. Non, évidemment. Et justement, ils ont un discours qui est super intéressant, qui est complètement anti-misogyne et je pense, en tout cas, c'est peut-être ma lecture, mon interprétation, mais je pense qu'il fait plus ou moins son coming out, le chanteur, là-dessus. Il a des phases qui sont particulièrement intéressantes quand il dit qu'il trouve chiant les orgasmes des filles. Et autres. Donc, le mec qui fait son coming out dans un morceau de rap, je trouve ça assez couillu, connaissant malheureusement les clichés un peu éculés, un peu virilistes qu'on retrouve dans ce milieu-là, quoi. Et donc ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et puis après, il y avait le morceau où il nous parle d'avortement, et là c'est particulièrement truculent aussi, avec le titre 200 enfants, on vient tuer 200 enfants, finir le taf de l'avortement, j'espère que ton fils sera dedans. Voilà, merci pour ces petits plaisirs partagés qui flattent la langue de Molière et qui nous mettent en joie et de bonne humeur. Mais de bonne humeur, il n'y en aura pas tout au long de l'émission, n'est-ce pas, Arnaud ? Oui, je vais être là pour casser l'ambiance, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc tu viens tirer la gueule, c'est ça, Arnaud ? C'est ça. Alors, Arnaud, donc, qu'on a invité à l'occasion donc, de cette émission pour parler du déconfinement. Et voilà, on a tous plus ou moins vécu cette période particulièrement, comment dirais-je ? Au minimum, je dirais étrange. Étrange, voilà, c'est tout simplement étrange. Ça a été compliqué pour pas mal de personnes, mais plus encore pour d'autres. On a parlé de double peine. Arnaud, quand je te dis de parler de double peine, est-ce que tu pourrais rebondir là-dessus ? Ouais, carrément. Bon, par contre, je vais... Avant toute chose, j'ai essayé de me présenter concernant un petit peu d'où je viens, ce que je veux dire, quoi. Parce que double peine, ça peut avoir beaucoup d'autres sens que le sens que je vais parler. Donc moi, je m'appelle Arnaud. Je suis un homme blanc cisgenre. Donc cisgenre, qu'on peut rappeler, c'est le fait d'être en accord, ton genre... en accord avec le sexe de naissance qui t'a été... que tu es né, puis qu'on t'a attribué, Tu es d'accord avec ça, donc tu es cisgenre, à l'inverse de transgenre. Je m'exprime super mal, du coup je sais déjà qu'il y a des copains qui vont se marrer. Oh, mais on les en papa out, les copains qui se marrent. Hein. Mais donc voilà, en fait, si je parle de double peine, c'est je suis pas une femme, je suis pas un homme noir, je suis pas une femme noire, je suis pas une femme voilée, je suis un mec de la classe moyenne et blanc, homme, qui est pourtant, sur certains côtés, à subir des oppressions. Et donc, la mienne, c'est l'oppression autour de la norme en santé mentale, quoi. Donc, la norme voudrait que dans notre société actuelle, on va bien, quoi. On aille bien, et tout va bien, et qu'on doit être fort, et qu'on doit avoir une bonne santé mentale bien normée, normale. Eh ben moi c'est pas le cas parce que je suis bipolaire, je suis schizoïde, je suis pas mal de gros termes comme ça, paranoïaque et psychotique. Et du coup, le confinement, ouais, c'était la double peine, quoi. Parce que quand déjà tu donc là moi en ce moment je suis pas à l'hôpital, je suis dans mon appart. Confiné, quand t'es confiné et psychiatrisé, ça veut dire adieu les rendez-vous avec ton infirmière qui va bien, ton infirmière en relaxation, ta psychiatre, tu les vois plus, quoi. Déjà, ouais, et l'isolement social aussi que ça induit, du coup, de pas pouvoir voir ses proches aussi, une peine encore aussi dure à supporter, j'imagine, de ne pas voir ses copains, ses copines ou sa famille comme ça. Ça a été dur pour toi à traverser ? Ben ouais, la solitude, elle est, bon, en tout cas pour ma part, la solitude, elle est là tous les jours, en tout temps. Et pour la combattre, en fait, je suis extrêmement bien entouré, amicalement, familialement, au niveau de la famille, pareil. Et c'est déjà dur à la base, donc il faut toujours que j'aille me ressourcer chez les amis, une espèce de validation, de leur dire je suis bien votre ami, je suis bien avec vous, je suis. Et donc là, ça, c'était impossible, et donc il y avait ça a coupé ce lien social qui est extrêmement important pour moi, qui est un truc de dire on est là, quoi, on est là, ou t'existes, on t'oublie pas, t'es avec nous, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ben là, non, confinement, c'est chaud. Donc t'as plus tes potes, t'as plus ta famille, t'as pas tes suivis. C'est déjà le branle-bas de combat pour avoir les médicaments et pour sortir. Bien sûr, ouais. C'est déjà une horreur. Et ça a été un moment compliqué, je pense, pour beaucoup de gens. Ça a été compliqué, encore plus compliqué pour les camarades qui sont enfermés à l'HP. Ça a été encore plus dur pour les personnes qui sont en 11, pour les travailleuses du sexe. Ça a été très dur pour beaucoup de personnes. Bien sûr, ouais. Mais bon, voilà, dans mon cas, ouais, c'était compliqué, quoi. Mais effectivement, oui, c'est vrai que tu en parlais, l'isolement effectivement, de la double peine dans des lieux fermés, je pense que ça soit, comme tu dis, en hôpital psychiatrique, mais même aussi en foyer éducatif ou en maison de retraite, ça a été particulièrement mal vécu. Effectivement, moi j'ai eu l'occasion pendant le confinement de travailler avec des seniors, avec des anciens dans une maison de retraite, et on a eu en plus ça a été quelque chose d'incompréhensible pour des personnes qui souffraient parfois d'Alzheimer, de Parkinson, surtout d'Alzheimer, pour comprendre ce qui se passait. Adapter les sacro-saints gestes barrières aussi, notamment la distanciation sociale, et de plus pouvoir entretenir le lien avec les familles. On s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé à faire des ateliers Skype pour que les parents voient leurs anciens par Skype pour essayer de rompre l'isolement. Mais ça a été l'isolement, c'est peut-être effectivement le mot qui caractérise ce confinement. C'est peut-être ça qui caractériserait le plus cette période qu'on a traversée. Ouais, ben il y a juste un truc que je pense qui a pu être intéressant à ce niveau-là quand même. C'est dans pas mal d'EHPAD, les soignants ont choisi de rester à l'intérieur avec les soignés. Et donc il y a eu un peu un mur de brisé entre le soignant et le soigné, quoi. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. Et ça, je pense que ça a été ça a été aussi possible en HP. Après, c'est pas tous les HP, c'est pas, voilà. Oui, bien sûr, c'est des cas anecdotiques. Ouais. Mais je pense, et j'ai entendu dire que il y avait cette expérience de dire aussi on se confine avec les soignés et on abat un peu la blouse blanche, et puis la distanciation, les rapports que tu peux avoir entre soignant et soigné. C'est vrai qu'effectivement, c'est une expérience sociale qui doit être particulièrement enrichissante. Bah, du jour au lendemain, tu te retrouves avec les personnes que tu aides à longueur d'année, mais que tu as forcément... en HP classique, c'est très vertical. Le rapport, comme tu dis, j'imagine bien que... Et donc là, remettre un peu d'horizontalité dans tout ça, je pense qu'il y a pu y avoir des choses intéressantes, de fait, j'espère. Enfin, j'espère que tout ça n'est... Il n'a pas été en vain, oui. Bah, ouais, qu'on arrive à ressortir un peu de choses intéressantes de tout ce bordel, quoi. Effectivement, mais ça aurait été une expérience sociale, une expérience de vie, une expérience peut-être pleine d'enseignements. Putain, j'ai l'impression de parler comme un youtubeur de mes... non, mais il faut ressortir grandi de ce confinement. Le monde de demain nous attend, messieurs, dames, bien sûr. Et mon cul sur la commode, bien évidemment. Bien évidemment, non, mais on pourrait parler des heures. L'isolement a fait que peut-être ça a aussi radicalisé peut-être certaines personnes qui, à la base, bon, nous, on est déjà radicaux, donc à la rigueur, ça n'a pas changé grand-chose, l'isolement. Mais moi, j'ai vu des trucs sur Internet, par exemple, un exemple tout con, mais je sais pas si vous voyez le youtubeur de mes trois, Norman. Oui. Et ben pendant l'isolement, d'habitude, bon, c'est plus voilà, les trucs de poète-poète. Voilà, vous avez déjà remarqué, c'est Gad Elmaleh pour les 12-25. Et là, le mec, pendant l'isolement, il s'est mis à avoir limite des revendications, enfin, à mettre le poing sur la table, à gueuler. Et un youtubeur qui fait des vidéos débiles, entre guillemets, enfin, qui sont pas spécialement axés autour de la revendication politique, en tout cas, qui n'ont aucun fond politique ou quoi que ce soit, qui se retrouve pendant le confinement à faire des vidéos un peu plus vindicatives, un peu plus engagées, je trouve que c'est une bonne chose pour la jeunesse, les gamins, au lieu de les gamins qui regardent Norman, peut-être qu'eux aussi, ça va peut-être un peu les agacer, ils vont peut-être serrer les dents, et peut-être que si Norman, Squeezie et Thibaut Inchep pouvaient appeler toute la jeunesse de France et de Navarre à casser des vitrines et brûler des voitures de flics, la France n'en serait que plus belle, hein. Enfin, l'anti-France en tout cas. Mais du coup, ça me fait penser, et puis on en reparlera plus tard, hein, dans l'émission de notre chère police nationale, municipale, gendarmerie. Évidemment. Mais il y a eu des... Il y a eu des abus comme un peu, bah, comme tout le temps, quoi, hein. Et là, c'était, bah, du coup, les gens étaient à leur fenêtre. Eh ben oui, avec le téléphone. Donc, il y a eu beaucoup d'agressions qui ont pu être filmées. Et en termes de réaction, il y a eu des, voilà, il y a les gens qui se sont dit, ok, vas-y, on va essayer de vous mettre un petit peu en respect, oui. parce que là, en fait, ça va plus comme d'habitude, mais là, on voit un peu là, plus. Là, c'est plus voyant, effectivement, c'est plus voyant, et c'est plus... on aura alors l'occasion d'en reparler de notre chère police, de notre cher bras armé, de l'État et de la justice, ou de l'injustice, au choix. Mais c'était simplement là pour tout simplement planter le décor, n'est-ce pas? Sans oui. Transition. Oh, la classe. Un peu. C'est simplement pour planter le décor, puisque Arnaud nous a ramené un petit peu de musique. On en reparlera, mais voilà, la musique adoucit les mœurs, ou les meurtres, au choix. Mais la musique peut accompagner, et nous a peut-être accompagné pendant cette période de confinement. Et tu nous as proposé juste un petit morceau donc de Serna, c'est ça? Ouais, Serna, c'est un mec qui vient d'Ariège, enfin qui est en ce moment en Ariège et qui joue beaucoup dans le milieu anarchiste, dans les squats, dans les concerts de soutien, quoi. Mmh. Et là, c'est un petit morceau pour planter le décor, quoi. C'est parfait, ça, c'est parfait. Émission un peu radicale ce soir, messieurs, dames. On préfère prévenir de suite. Donc, les oreilles fragiles, n'hésitez pas à changer de station, bien évidemment. Bien évidemment. On vous laisse donc avec Serna. Sur l'album, il s'appelle Sur Terre, l'album. Ouais. Sur l'album Sur Terre, avec le titre Planter le décor. Ouais, c'est dispo sur le Bandcamp, je crois. Hein. Après, je sais plus son Bandcamp, mais bon. Allez voir sur Bandcamp alors. Mais en tout cas, ouais, tu m'as fait écouter tout à l'heure et c'est bien sympa. C'est super bien écrit. Et c'est pas le c'est pas, enfin c'est pas moralisateur entre guillemets comme rap, c'est pas du rap de Taiseux ou autre, et c'est vachement intéressant. En tout cas, moi je me pencherai plus en détail dessus. On vous laisse écouter ça, on revient tout de suite après, puisque vous êtes sur la fucking big antenne. Here we go. Je dédie ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, que les conseillers d'orientation ne savent plus caser. Obcicatrisé en sursis, tous les marmots de la zone grise, genre agité, trop bouillant, dès la matière, à ceux qui se terrent dans un silence assourdissant, pour escaper de l'abattoir, à ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet, comme pour planter le décor, détourner le destin, immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre, pour gâcher le festin et provoquer le bordel. Bordel, de partout ça serait très rétrécit, les médocs ont baïonné, et l'asile et la ville. Cherche même pas une issue, tout autour c'est pareil, des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies. Bordel, où je traîne ma camisole, spare de toutes les douleurs. Mal des namos, la turbine à la chienne, de la crèche à la morgue, à la longue les injures, où façonner les corps. Les vautours sont de sortie, psychiatre fait tout nos fiches, fait nos vies, des parcours, promenade en zone grise. Pareil que je relève de la psy, y'a problème. C'est pas dit que je m'en relève ici. Trop mes gardes chiants, mon garde à vous veut que tu te mettes à table. Comme en garde à vue, sale. Peu de garde-fous, peu de cartes à jouer. C'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre et la nuit. L'infirmier dort paisible pendant que mes morts ou vivent. Joue de la corde à vie, serre des dents. Moi j'ai de la haine à revendre, mais là je leur fais gratuite. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes, où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, ça dort du sommeil du juste. Second couplet, pour provoquer le désordre, pour peupler le désert et réveiller le désir, de piller le bazar, de brûler le trésor. Ils courtisent l'histoire, on se fait baiser par le récit. Bordel, j'ai mal, t'as mal aussi, on ne guérira jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi. C'est certain qu'à Sainte-Anne, ils en traitent par centaines de vrais mots, réduits à des symptômes. Mais bordel, on se soigne pas de ce monde, ils se rappellent à nous, partout, tout le temps. Dehors, les murs, dedans, la bombe, ça peut t'essouer. À tout instant, reste à savoir qui commence. Est-ce la terre ou nos têtes? C'est le même mouvement, on crache les mêmes poussières, même fumée, toxique, même carrière en friche, dont de grands savants veulent extraire la pierre de folie. Signe de ton sang, batte pas, joue sur les murs de ta cellule. La psy m'a tué, y'avait quelqu'un au fond de la cage, rebelle en colère, impatient, plus rien. Je vais peut-être être pénible une fois cette fête finie, j'aurais gratté quelques rimes avant le chaos technique. Bestiaire, maintenant je rejoins le bestiaire. Pas le choix, mes délires seront féconds, ou bien alors mortels, ou bien alors mortels. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes, où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, ça dort du sommeil du juste. Bienvenue dans l'envers du monde, les chemins sont tortueux et la folie féconde ou mortelle. Où pousse la mauvaise herbe, où le cadavre bouge encore et il cherche la sortie. C'est le bordel, carnaval des agités, la banda marginale, grain de sable dans le barillet. Le cauchemar des voisins, terreur de la bourgeoisie, la frangeoisie plutôt que leur France moisie. Bordel, c'est pour mes combattants, dans les luttes quotidiennes, autant au taf qu'au ch'tard. Irrésolu même quand c'est mort d'avance, que c'est la foire d'empoigne, que ça se tire dans les pattes. À mes parasites qui se regardent en face, tous ceux qu'on les mains dedans, mais qui lâchent rien quand même, c'est big up à ceux qui essayent, c'est là la brèche, la mèche, la vraie cavale. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ladies and gentlemen, vous êtes toujours connectés sur le 107.0, vous êtes toujours connectés avec nous, c'est la fréquence qu'il vous faut bien sûr. C'est toujours un plaisir de vous retrouver après donc 2 mois d'absence, presque, hein, 2 mois d'absence sans venir vous souiller les oreilles, messieurs, dames, et croyez-moi, ça manque allègrement. Mais on n'est pas là pour être non plus que de bonne humeur, n'est-ce pas Arnaud? Non, oh, mais c'est pas mon genre. Non, je sais bien, et c'est pour ça qu'on t'a fait venir ce soir, pour tirer la gueule, et ça nous va très bien, ça nous va très bien. Bon, moi, j'essaye, mais des fois, je manque un peu, et puis je suis pas assez rigoureux là-dessus. Mais t'inquiète, je serai toujours là. Ouais. Et c'est ça qui est agréable. Drex, le mauvais élève, qui vit bien son confinement, qui son déconfinement aussi. Ça s'est passé comment alors toi, Drex? Est-ce que tu as senti le poids de la solitude durant ces mois tourmentés, Drex? Bah moi j'ai respecté le confinement à la lettre. Et est-ce que tu as applaudi aux fenêtres? Comment? Est-ce que tu as applaudi au balcon? Ouais, non. Non, en vrai, je faisais de la percu en écho avec un voisin qui s'amusait à refaire les mêmes patterns que moi. Du coup, ça m'amusait. Ah, mais c'était pas en rapport avec le reste, en fait. C'est intéressant. Des expériences de solidarité qui se sont développées avec les voisins, avec le voisinage. Arnaud, toi, tu l'as vécu comme ça aussi avec ton voisinage? Non, moi, c'est... Il n'y a pas grand monde au balcon. J'ai foutu une petite banderole sympa, pour dire que nos vies valaient plus que l'économie. Ça, on est d'accord. Mais on est ici, on n'est pas en centre-ville d'une grosse ville. Oui, bien sûr. Et c'est vrai. Mais pour reparler du confinement, moi, en fait, du coup, j'ai tenu un mois. Un mois, et en fait, ma santé mentale commençait vraiment à décliner. Mm. Et j'ai fait le choix de me déconfiner, d'aller voir des amis, n'est-ce pas? De faire du fitness. Ouais, voilà. Mais il a fallu que je me déconfine. En fait, mes crises paranoïaques devenaient de plus en plus fortes, de plus en plus... Intense, ouais. Du coup, voilà, les... Et même l'État, dans sa grande mansuétude, comme d'habitude, s'est dit, bon, les personnes à risque psychiquement, mm-hmm. etc., les personnes avec autisme, ont le droit de se déconfiner parce que c'est une galère. Bah, sinon, ils allaient se mettre une galère sanitaire sur les bras en plus, quoi. Ah bah oui, évidemment, ouais. Donc, un mois. C'est pas mal, tu sais que j'ai pas réussi non plus. Quand on est hyper social aussi, on aime bien aller faire chier les copains et les copines quand même, ou la famille et autres. Donc, ouais, le confinement. Mais c'était une expérience intéressante pour voir aussi à quel point on peut facilement, très facilement finalement, nous cadrer, nous discipliner, nous balancer des drones au-dessus de la gueule sans que ça choque pas grand monde non plus. Il n'y a pas eu assez de viols de drones, je trouve, quand même. Ouais. Pas même de policiers en général, mais... ni de torture. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu assez de drones qui se faisaient déboîter la gueule? C'est une question qui se pose. Non, par contre, des jeunes des quartiers qui sont fait éclater par la police, on en a vu pas mal. Hein. Oui. Ils ont oublié que les gens, ils étaient au balcon avec les téléphones. Donc, Faites attention, messieurs les agents qui écoutez cette station, bien sûr. Soyez discrets, bande de sales sous-chiens, quand même, quand vous faites ça. Quand même, ayez un peu de décence, vous n'avez pas de parents, non? Franchement, non, on apprécie toujours la police sur la Big Antenne, bien évidemment, et on n'est pas là pour choquer les bonnes mœurs, bien évidemment. La police nous protège. Mais qui nous protège de la police? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. On vient juste, Arnaud, là, donc tu viens de nous balancer un petit truc sympa dans les oreilles, donc pour planter le décor, là, donc c'était Cerna. Pour ceux qui connaissent, peut-être, du coup, c'est de la bande des mecs de Singes des Rues. Ah, Singe des Rues, bah oui, bien sûr, ouais. Et on en a déjà passé hein, pas mal, Singe des Rues, ouais, c'est le genre de rap qu'on aime particulièrement, bien brûlot, bien engagé, bien enragé, ça sent un peu le cocktail Molotov, à la campagne un peu, là, du coup. Ouais, mélange cocktail Molotov et l'Exomil, tu vois. Ouais, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Mais du coup, si tu dis qu'ici, on est dans un village en Ariège... C'est un peu village, enfin un peu retour aux sources, tu vois. Ah, j'espère pour eux parce qu'ils sont un peu tendus quand même. Ah bah oui, non mais bon, en même temps, l'époque fait pas qu'on soit non plus très très enjoué ces derniers temps non plus. Je les comprends les mecs, hein, je les comprends. Ça, on n'est pas là pour genre jeter la pierre, on n'est pas Maître Beans quoi, ou Camaro, ou d'autres, ou Cobaladé par exemple. Bref, on n'est pas là pour épiloguer, bien évidemment, messieurs, dames, mais pour vous choquer les oreilles, plutôt. Et donc, ouais, tu nous parlais, Arnaud, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, par rapport au lien social, par rapport à l'isolement. Toi, tu n'as pas pu suivre les thérapies, les soins que ouais. tu... Ben, il y a ma psychiatre. Donc déjà, bon, moi, je suis suivi au CMP. c'est interdiction d'aller au CMP, strict minimum des infirmiers à l'intérieur. Il doit y avoir une ou deux personnes et c'était interdiction d'aller au CMP, donc je pouvais pas aller faire mes activités, aller parler avec mon infirmière. Donc ça, c'était mort déjà. Et en plus, j'étais dans la possibilité aussi de voir ma psychiatre, quoi. Et ben, du coup, c'est assez compliqué. Alors, on peut penser beaucoup de choses sur la psychiatrie et les psychiatres. Hein. Je suis pas là pour les protéger ou dire que c'est indispensable, loin de là. Mais en tout cas, moi, j'en ai besoin. Donc, du coup, si j'en ai besoin, c'est que voilà, j'ai fait le choix. Et me retrouver du jour au lendemain en disant bah non, en fait c'est pas possible parce que moi je m'occupe d'autres d'un truc, je sais plus, enfin elle devait s'occuper de quelque chose d'administratif, quoi, et donc pouvait plus voir ses patients. Mais qui dit plus voir ses patients, ça peut être aussi peut-être pour des gens une rupture de traitement qui peut être dangereuse. C'est pareil, hein, les traitements, pour qu'on soit d'accord, moi je prends un traitement, j'ai fait le choix de prendre des traitements, que personne ne remette en question ma volonté. Et moi je ne remettrai pas en question la volonté aussi des gens qui veulent se battre sans traitement chimique. Moi je trouve que c'est attaquer la face nord hyper raide, mais méga respect, quoi, aux camarades et aux gens qui décide de se passer de ça, quoi. Moi je le fais pas, mais il y a voilà, cette coupure drastique peut mener, je pense, à des problèmes sanitaires, quoi. Et bah ouais, c'est dangereux, quoi. Oui, effectivement, c'est comme tu dis, on n'a pas, je pense que dans la gestion de la crise, on a préféré voilà. Faire attention à ce qui est pas, comme on parlait tout à l'heure, de double peine entre guillemets, et donc d'aggraver encore plus le cas des personnes psychiatrisées qui nécessitent qui ont besoin d'un suivi psychiatrique ou autre, d'un suivi, d'une écoute, d'une présence, d'un sourire. Ouais, c'est dur, quoi. Et puis de toute façon, quand on entend parler de gens psychiatrisés à la télé, c'est parce que, oh mon Dieu, un schizophrène complètement fou est sorti de l'HP et on doit le descendre parce que c'est une grande menace pour la société. Bien sûr, oui. Comme on l'a eu pendant le confinement, là, du coup, une personne, vraisemblablement, ce qui a été dit, c'est qu'elle se serait enfuie de l'HP, mais qu'elle s'est soit enfuie ou non. En fait, les personnes schizophrènes sont d'abord extrêmement dangereuses pour elles-mêmes, dans beaucoup de cas, parce que la haine, la rage, c'est contre soi qu'on la met, quoi. Et sauf que dans notre société, un schizophrène, c'est un mec avec un entonnoir sur la tête, oui. Les bras dans le dos, et la rage, la bave aux lèvres, qui va manger. Le petit enfant avec son pote communiste, quoi. Tu vois, genre. Oui. Et c'est pour ça que c'est important que de faire de la sensibilisation vis-à-vis de ça. Et moi, je trouve ça admirable que tu aies le courage de venir en parler à la radio voilà, de faire de la sensibilisation auprès du public, auprès du grand public entre guillemets, vis-à-vis des troubles psychiques et de dire qu'on peut. C'est pas des gens qui mordent entre guillemets, hein. Non, c'est ça, on a, enfin, je veux dire, l'image d'Épinal qu'on a est complètement archaïque, quoi. Totalement, et elle est complètement absurde, c'est l'image du danger à l'autre, en fait. Non, on est d'abord dangereux pour nous-mêmes. Enfin, si on regarde les taux de suicide chez moi, je vais parler de ce qui me concerne, mais chez les personnes schizophrènes ou chez les personnes bipolaires, c'est un taux de suicide qui est énorme, qui est gigantesque. Et le danger, il est on l'a dans nos mains contre nous-mêmes, en fait. Mais la société, au travers pas mal d'images d'Épinal pourries, ont fait que le schizophrène, c'est un tueur. Et donc, de toute façon, s'il est en liberté, il est à battre. comme le jeune de la cité du coin, où ils sont 10 dans l'appart, il va en prendre l'air un peu en bas. Il court parce que les flics qui lui demandent son attestation, il a pas envie de se faire contrôler. Lui, c'est pareil. C'est license to kill, quoi. License to kill, effectivement. License to kill, malheureusement. Tiens, c'est marrant, hein, on en revient tout le temps vers la police. Bah oui. À croire quand même que hein, la police nous protège, mais et comme tu disais, qui nous protège de la police? Bah, et ça me donne qui nous protège de, parce que de toute façon, voilà, comme on parlait des drones tout à l'heure, que ça, la banalisation des drones, on parlait de ça tout à l'heure. On parlait de comment la surveillance via les applications, via la surveillance de chacun, via nos réseaux sociaux, le tracking, voilà, comme ils disent. On parlait de tout ça et que ça fait pas broncher beaucoup de monde, donc pourquoi se priver de continuer. Ça me fait penser à un artiste, moi, que la transition est bien trouvée, vous allez voir. Vous allez dire, oh putain, c'est impressionnant. Tout ça pour dire que, voilà, Big Brother is watching you, et en période de confinement, Big Brother a tous les droits, puisque c'est pour notre bien à tous, bien évidemment, qu'on est là pour vous nous pister, pour vous placer un petit mouchard dans votre téléphone, sur votre carte bleue ou autre, pour être retracé partout dans votre corps, tout simplement, pour être retracé par toutes les caméras de surveillance qui pullulent. On habite dans les Vosges et pourquoi j'en appelle au maire des municipalités locales, pourquoi installer des putains de caméras de surveillance dans les centres-villes de nos patelins de 2000 habitants? Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à cacher? Est-ce que vous êtes financé par des installateurs de caméras? Ou est-ce que c'est pour simplement faire plaisir en faisant du populisme à votre électorat de droite? Pensez à notre liberté. Essayons encore de conserver un tant soit peu d'anonymat, messieurs, dames, avant qu'il ne soit trop tard. Donc je m'adresse aux maires, à tous les maires et tous les gens dans les conseillers municipaux. Ne votez pas, boycottez la pose de caméra, boycottez au maximum. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard, messieurs, dames. Et c'est pour ça que je vais aller vous balancer un rappeur qu'on affectionne particulièrement ici. Il s'agit de notre ami Zippo. Il le dit beaucoup mieux que moi, avec un titre qui s'appelle « High Monde », où il vous parle de vidéosurveillance, il vous parle de tout ça. Ensuite, on partira dans l'espace avec notre ami Zippo, avec le titre « In Mars We Trust », où il va nous parler de la terraformation, notre ami Zippo. Il va nous parler d'installation sur Mars à la sauce Elon Musk, d'exploration spatiale à la sauce Silicon Valley, l'exploration spatiale pour les milliardaires. Vous croyez vraiment, bande de blaireaux, que vous partirez dans l'espace? Non, vous n'avez pas investi. Premier voyage habité de la navette SpaceX d'Elon Musk. Oui, d'ailleurs. Première navette de Elon Musk habitée qui va vers l'ISS. Ouais, je suis désolé parce que j'ai un petit côté geek aussi. Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Simplement, moi, c'est ce côté d'encenser encore une fois. Ces nouveaux colons de l'espace, vous croyez vraiment que ces gens-là sont altruistes? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plus par intérêt commercial qu'on fait ça? Bref, on va pas s'énerver. Je me suis suffisamment énervé tout seul en essayant de faire un podcast de la Big Antenne. Calme-toi, je vous garantis que ça n'a pas été facile de ne pas s'énerver, de ne pas pester contre toutes ces conneries. Et donc, voilà, vaut mieux le dire en musique. Il y en a qui le disent mieux que nous, en musique et en couleur. Donc, avec Zippo, on va vous reparler juste après de Zippo. Donc, avec trois morceaux, comme je vous disais, c'est tiré de l'album Zippo contre les robots. Zippo qui nous vient de Toulouse, lui aussi, je crois. Il nous vient de Toulouse, décidément, ce soir. C'est la Toulouse Connexion, peut-être, je ne sais pas. On y reviendra. Donc, avec le titre « High Monde » suivi par « In Mars We Trust ». Et enfin, il vous fait une révélation. Il vous dit que la Terre est plate, messieurs, dames. Si, c'est vrai, c'est Zippo qui l'a dit. Vous allez comprendre par vous-même. On est parti, on reste connecté. Vous êtes sur la Big Antenne. Vous êtes sur le 107.0, car c'est la fréquence qu'il... Exactement. Oh la vache, Drex. Ils sont morts. Moi je veux la même, Drex. Je sais pas, mais tu feras tourner. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Des rois, on s'en est les farces du siècle. Maintenant ils ont des intelligences artificielles, affairés dans des bails de holding. Ils rêvent tous d'accéder au mind uploading. Toi, t'es là à regarder tes droits qui s'envolent, à désespérer de voir les gens qui s'en cognent. Mais les types te consolent et remplissent ta gamelle. Leur technique de contrôle fait rougir Machiavel. C'est fou ce qu'on peut faire avec des caméras. Ça n'empêche pas les drames et les gens, ça les calme. Des corps formels ou des corps mortels évoluent comme dans un livre de George Orwell. Tu sais pas dans quel monde vivaient tes grands-parents. Tu vis entre des murs qui deviennent transparents. T'as des trous de mémoire, Wikipédia colmate. Mais t'as aucune idée de ce que c'est qu'une tomate. Et tu peux pas regretter ce que t'as pas connu. Tu vas pas remonter à contresens la cohue. Donc tu cherches ton rôle dans ce grand spectacle qui t'a persuadé que t'es respectable. Avant d'apprendre à penser, les gens plongent dans la normalité d'un torrent de mensonges où la vie ne sert plus qu'à fournir des idées pour nourrir la vitrine d'un fil d'actualité. Plus de petites ruelles, se voir à but tunnel. Ça va vite, ça va vivre dans le virtuel. On n'arrête pas le progrès, ouais c'est ça le slogan. Dans sa nouvelle voiture, papa lâche que volant. Mais pas de panique, de nouveaux robots rappliquent. L'humanité est en pilote automatique. Et tout le monde trouve ça cool, des US à la Chine. La foule s'agenouille au pied de la machine. T'es juste une variable, piégée dans l'immonde. Où les supercalculateurs jouent au ping-pong à coups de milliards de dollars. Des voleurs en délire s'en donnent à cœur joie. Quitte à dealer de la douleur, un jour ça fera patatras. Et dans leur bunker ils poufferont de la Batavia. Mais toi si t'as pas plein de thunes et Bataka, te feras l'idée que tu seras pas le bienvenu à Gattaca. Et tu fixes l'horizon bêtement en tenant ton ticket d'euros millions perdant. Tu te vois bien dans 3-4 ans à la campagne. Mais t'as pas d'argent, pas d'avantage. Avant toi y'a tant de gars qui attendent à la banque. Sachant ça t'attends pas à ce qu'il y ait moins d'attentats maintenant. Alarmant de voir la France à l'avant-garde qui dévale la pentape, la vente paf. Soit vivons-nous vues légumineuses, éclairées aux lampadaires et sans idées lumineuses. Allons rejoindre ces foules en bas de trip qui pique-niquent le samedi sur la pelouse en plastique. Mais gardons le sourire, n'ayons pas l'air suspect. Si tu joues le jeu, t'auras peut-être un salaire super. Alors tu diras au revoir à l'autostop et à toi sera le monde en low cost. Hop hop, monte dans l'avion et va plutôt au nord. Ailleurs, niveau chaleur, on n'est plus trop aux normes. S'agit de préférer la Suède au Mexique, tant qu'il reste des bonhommes de neige anorexiques. Si t'avais du flair, t'aurais senti la fleur de l'âge. T'aurais dû faire vendeur de ventilateurs. Ce sera pour une autre vie ou pour une autre dystopie potentielle qui sera dépourvue d'eau de pluie. Trop d'ultraviolet, faut que t'achètes une clean. Déjà que tu te fais violer par des particules fines. Et même si t'y travailles, t'as pas le prix d'usine. Donc pour remplir ton panier chez Darty, tu trimes. La suite du film, ça sera pas comme au Cinoche. Mais qu'elles sont peut-être déjà coupées tes six planches. C'est sur un tissu de mensonge qui s'effiloche que t'es prié de bien vouloir mourir le dimanche. Tu te poses des questions, mais pour y répondre y'a que le bruit d'une civilisation qui s'effondre. Et les discours enflammés des technoprophètes, sans personne qui puisse arrêter le chronomètre. C'est assez tragique. Y'a pas débat puisqu'on sauvera pas le monde avec des mathématiques. Mais les dés furent jetés quand nos parents choisirent de nous apprendre à compter avant d'apprendre à lire. Et les gens préfèrent les dealers d'espoir qui leur laissent croire qu'ils écrivent leur histoire. Vous serez jamais libre, alors aimez vos chaînes et allez donc danser sous ces éoliennes. La nouvelle croissance elle est belle, elle est green. Perpétrer des crimes, récupérer des primes. Les panneaux solaires c'est pas trop trop cher. Ça coûtera juste une ou deux calottes polaires. Mais personne veut retourner à la bougie. Même si ça faisait quand même près de 300 000 ans qu'il y avait des êtres humains qui jouaient à la toupie sur une planète où ça se passait tranquillement. Et maintenant les gens sont piégés dans des villes. Ils ont troqué leur terre contre les étalages de ces supermarchés complètement débiles où on vend de la mort sous de beaux emballages. Et revela l'été, merde cette année c'est nul. T'as même pas eu le temps de déplier tes pulls. Ça t'évitera d'avoir à lire les petits textes d'appel à l'aide brodés sur l'étiquette. La violence aussi ça se délocalise. Mais toi t'es pacifique. Tu le cries sur les toits pour faire de l'humanitaire. Tu prépares tes valises fabriquées par des gosses qui s'esquintent les doigts. Tu veux des enfants mais c'est décourageant. Tous les prénoms sont déjà pris par des ouragans. Les problèmes arrivent dans l'ordre alphabétique. Ça se passe comme sur des roulettes de paraplégiques. J'ai pas envie de cracher dans le dos de ceux qui savent faire apprendre la paix comme des handicapés mentaux. Je pense qu'il s'avère qu'ils peuvent sentir la merde dans laquelle on s'est mis au lieu de mentir à des fantômes. T'es bientôt Fanny sous le baby. Ta vie c'est un selfie pris devant un tsunami. Mais tout va très bien, disent les gens qui profitent d'un monde où les abeilles sont sous antibiotiques impuissantes. Tu les vois se faire un paquet de pognon, t'as les yeux qui piquent même si c'est pas tes oignons. Tu peux pas demander de penser le changement à ceux qui veulent se contenter de changer le pansement. Ces gens-là sont convaincus qu'ils nous vaincront. Fallait pas prendre tête Kaczynski pour un con. Quand tu t'endors, y'a des robots qui s'agitent dans les laboratoires de Boston Dynamics. Ça va se compliquer dans la rue, mec, y'aura bientôt des super flics et des super soldats. Ouais, les hommes de demain auront des autres crevettes, mais feront les malins dans des exosquelettes. Alors tu regretteras de pas t'être battu plus tôt. T'auras des privilèges que si t'as eu du pot. Sinon tu seras pisté même pour des idées. T'essaieras d'arracher ta puce RFID, mais t'allumeras l'iPhone en disant c'est fini. Et puis tu discuteras un peu avec Siri, et tu lui demanderas comment les êtres humains ont arrêté d'être libres pour devenir des putains. Désolé, je ne comprends pas votre question. C'est pas compliqué, le nouveau monde il sera réservé qu'aux patrons friqués. C'est pour eux ta planète, elle est baisée donc ils font du bif. Ces pervers voient leur terre-mère comme une mif. Allez embarquer dans SpaceX, faites vite, allez vous emboîter dans le Tetris qui s'esquive de cette vie. Vous savez pardon mais nous on est riches donc exit. Si vous avez pas de rond, vous pourrez le suivre sur Netflix. Il est temps de mettre le cap sur la planète rouge. Le conducteur de la navette a bu 2-3 Red Bull. Wesh on est chaud patate pour explorer le cosmos. Sur Terre c'est trop tard, on va pas resto restaurer l'osmose. Ici on stagne entre tristesse, colère, envie de faire du tire-fesse dans le système solaire. Donc faites la queue, mais si vous payez pas l'ISF, y'a quand même peu de chances que vous visitiez l'ISS. Ils s'imaginent déjà seuls sur Mars, avec Matt Damon de Cassia la bonne surface, pour construire des malls high-tech avec verdure, inspiré des mondes Star Trek gonflés d'air pur. Maintenant vous êtes informés que l'homme est trop balèze, on vient pour terraformer toutes les exoplanètes. Si s'il y aura des boutiques et des baraques frites, entrons dans l'ère du capitalisme galactique. On arrive main dans les poches de combis bien métalliques, on a des valises, on s'en moque, on a des chiens mécaniques qui les portent, et puis des robots qui escortent la vie des familles sous l'exomile qui débarquent. Mec ici c'est magique, regarde la terre qui s'éloigne dans le hublot, que ceux qui restent se massacrent en huis clos. Et si t'as peur, une fois que tu es en orbite, dessine un cœur en faisant de la buée dans le cockpit. Joue son rôle de ménestrel zélé. C'est l'éternel flash info délétère. De toute façon, quelle que soit la chaîne, partout c'est les mêmes, c'est vrai. Donc, le mec annonce une véritable révolution. Puis c'est le mécanisme classique de révélation. Selon leur spécialiste qui fait des maths, le constat est sans appel, la Terre est plate. T'as l'air sceptique, pauvre con. T'es scientifique, toi? Non? Bon. Pioche un magazine et trouve-toi des idoles. Désormais, le mot pute sera remplacé par people. C'est sans gravité si tu sens que la terre t'aimante. Respire une bonne bouffée de l'air de l'entertainment. T'as internet sur ton smartphone, t'es télépathe. Alors mets-toi bien dans la tête que la terre est plate. Brûler les globes terrestres, que les hommes célèbrent. Une fumée dont les cônes s'élèvent dans le dôme céleste. Et si malgré tout, l'eczéma du doute vous démange, détendez-vous avec le film du dimanche. Ils ont des chaînes pour les pensées nomades, des sérums et des vaccins pour les cerveaux malades. Choisis ton camp vite avant que la guerre éclate. Les gentils sont ceux qui savent que la terre est plate. Inutile de vouloir jouer les détectives. Va faire ton devoir de mémoire sélective. Voilà la mise à jour des annuaires de colère, plus couramment appelé manuel scolaire. Mais n'écoute pas Zippo, il noircit le tableau. Jusqu'ici tout va bien, garde le cap matelot. La prochaine vague sera bleu marine et scélérate. Chut, allons, vous êtes en direct, ladies and gentlemen, vous êtes sur le 107.0, vous êtes sur Radio Gamozo, et c'est la fréquence... Qu'il ne vous faut surtout pas. Ouais, mais enfin bon, ça fait 2-3 mois que c'est quoi, c'est 107.0, c'est ça? Ah bah bien sûr, c'est 107.0, la fréquence des schizos. La fréquence des schizos, mais oui, bien sûr, évidemment, c'est vrai qu'on aurait pu y penser, on aurait dû y penser, mais on peut pas tout faire. Et ça commence à se réchauffer, l'ambiance dans les studios. On vient de vous laisser, donc, messieurs, dames, avec notre ami Zippo, que je vous invite très chaleureusement à écouter attentivement. C'est un MC qui est particulièrement inspiré, comme je disais en antenne aux invités. Il nous vient de Toulouse, ce MC-là, et il avait un peu défrayé la chronique. C'était en 2012 avec son premier album Zippo Bûcheron, où il abordait, c'était un peu un concept album où il abordait plus ou moins le sujet de l'exode rural, du retour à la terre, de comment c'était un peu sur un axe un peu, comment on dit, les survivalistes. Il y avait un angle un peu comme ça, un peu survivaliste, mais je pense qu'il doit être un peu dans ce délire-là, ce mec. Et là, avec cet album Zippo contre les robots, il revient avec un concept album où, oui, en fait, il part un peu comme Don Quichotte en croisade contre les moulins. Il part tout seul face à cette société technophile aux réseaux sociaux, aux systèmes de vidéosurveillance, aux systèmes de tracking. Il part un peu en croisade seul avec sans son noble destrier, mais en plus de ça le pauvre, contre cette société qu'on nous vend, cette société de demain, cette société transhumaniste, du tout numérique, soi-disant émancipateur. Bah écoutez, ma foi, si c'est émancipateur de se faire filmer et d'être tracé à votre insu dès que vous mettez le pied dehors, mais c'est formidable, émancipons-nous alors, émancipons-nous. Comme certains ont pour habitude de dire que finalement c'est le discours de ces technophiles là, ou des vendeurs de caméras de surveillance ou autres, qui vous disent si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de problème à ce que vous soyez espionné entre guillemets si vous n'avez rien à vous reprocher. Ce genre de discours un peu facile est alarmant, et alarmant et dangereux à mon sens. Est dangereux. Ça, quand on parlait de justement de schizophrénie, de sentiments, de paranoïa et autres, est-ce que toi ça te parle justement? Est-ce que toi Arnaud, en étant concerné par la question, vis-à-vis de la schizophrénie, de la paranoïa, c'est quoi ton rapport au numérique, Alors bizarrement, j'ai pas. Donc bon, le diagnostic de schizophrénie est pas posé à 100%. Donc j'ai des attitudes, dans mon comportement, il y a des trucs schizoïdes qui vont se rapprocher un peu du comportement de schizophrénie. Par contre, je suis paranoïaque et je suis cinglé quoi. Non mais paranoïa ça me parle quoi. En tout cas des situations de paranoïa ça me parle énormément. Et bizarrement, la société dans laquelle on vit, du tout numérique et du tout traçage, du tout surveillance, moi ça me c'est pas une peur que j'ai quoi. C'est pas une peur que je vis tous les jours ou choses comme ça. Je suis assez naïf là-dessus, je pense. J'ai vraiment pas grand chose pour me protéger sur mon ordinateur. Je suis pas à fond sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pareil. Je mets pas toute ma vie là-dessus, mais oui, c'est bizarrement un truc qui me fait pas peur, alors que ça, le comportement normal voudrait que. Oui, mais après, voilà. Ça, moi, par exemple, le comportement qui. De ma paranoïa qui est extrêmement fort et qui est extrêmement dur à surpasser, c'est ma paranoïa envers la police. Et donc ça, ils peuvent l'écouter, s'ils ont un problème, ils viendront pas nous voir. Oh, putain, t'inquiète pas. Mais je parle de ma maladie là, en fait. Leur attitude provoque chez moi des comportements liés à ma maladie qui sont difficilement surpassable et assez douloureux à vivre. C'est que j'ai constamment l'impression d'être épié, suivi et harcelé par la police. Et là, je rejoins ce que Camila Jordana a pu dire il y a quelques jours. Moi, j'ai peur de la police, quoi. J'ai peur de la police en tout temps. Mais en tout temps. La nuit, le jour, j'entends des voix, j'entends des bruits, j'entends des sensations, des trucs un peu qui me ramènent forcément à je suis pisté et suivi par la police. Et ça me fout la trouille parce que, en fait, déjà par expérience en plus, d'avoir été quelques fois en garde à vue à l'issue de manif ou de trucs comme ça. Le gars qui dit tout salut la police bref il y a eu un chantage, il y a déjà un chantage quand t'es psychiatrisé suivi avec des médicaments, t'as ce chantage déjà de si tu veux tes médicaments va falloir parler, puis il va falloir être sympa et puis il va falloir être alors qu'en fait tes médicaments c'est un droit que t'as, tu oui, as le droit de voir un médecin, tu peux appeler un médecin. Oui, c'est pas comme dans les films ricains, quoi, on est d'accord. Non, mais t'as le droit de voir le médecin qui va te donner ça, mais en fait, moi, à chaque fois, le médicament m'a été donné à la fin de ma garde à vue, quand ils ont vu que j'essayais de garder la tête haute et pas aller dans leur sens, quoi. Donc, c'est une fois de plus, on parlait de double peine, bon, ça en fait partie. Et la peur, et je rejoins cette meuf quoi, qui dit je suis pas à l'aise avec la police, j'ai peur face à la police, je crève de trouille vis-à-vis de la police. Le nombre de gens qui psychiatrisés, schizophrènes, c'est le classique quoi, le schizophrène qui mon Dieu, il va nous égorger. Heureusement que la police l'a abattu parce qu'il avait une petite cuillère dans la main quoi. Donc en fait ma réalité elle peut être là aussi. Alors comme je le disais tout à l'heure, je suis un homme blanc, Je suis pas un gamin de cité non blanc. Tu vois, enfin. On n'a pas le même rapport avec la police. On s'entend que la police à Montreuil et la police à Saint-Étienne. Clermont n'est peut-être pas la même non plus, effectivement. Alors la police, la police va rester la même parce que la police c'est un système et les individus s'effacent derrière le système dans lequel ils veulent se défendre, mais les situations sont vraiment différentes. Et la police tue, assassinat. C'est ça, ouais, non, c'est ça. Il faut, au lieu de, voilà, on pourrait dire pas mal de choses qui nous seraient reprochées, mais en fait, il y a une réalité, c'est que la police tue, la police mutile, la police est aidée par la justice qui cache bien l'impunité totale de ses représentants, de ses chiens de garde. Voilà. Bien évidemment, du moment qu'ils puissent continuer à mordre, on ne va pas les punir quand ils ont un peu mordu trop fort, bien évidemment. Ah ben non. Ça serait quand même dommage. On ne va pas recruter des pacifistes dans la police. Hein. Il y a 3 jours... dans un autre pays, hein, mais la police, elle est partout la même. Hein. Il y a 3-4 jours, aux États-Unis, un homme noir est mort, étouffé par la botte, par le genou d'un flic qui lui écrasait la gorge. Quoi. Fort heureusement, la scène a été filmée. Enfin, fort heureusement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la scène a été filmée et on espère de tout cœur que l'individu, si on peut appeler ça un individu, la personne en question sera largement punie pour l'exemplarité. Voilà, ce qu'on demande, c'est... Que justice soit rendue. Ce fils de pute, bordel. Oh là, ça part en latte, là. Ça y est, il se réveille, lui. Non. Oh, puis alors, sur l'insulte, il y aura beaucoup à redire. Et moi, je prends pas la responsabilité. Voilà, les insultes putophobes, là... En plus, non, et puis non, moi, je prends pas la responsabilité. Tu iras tout seul au tribunal, Drex. Non, mais en fait, ce qu'on demande, c'est... C'est pareil, moi, je veux pas de problème, messieurs les agents. Ce qu'on demande, c'est pas dur, en fait, c'est d'avoir le même traitement que les individus qui ne font pas partie de la police. Bien évidemment, oui, bien évidemment. Voilà. Et peut-être que l'heure aujourd'hui va peut-être revenir à la justice populaire, puisque la justice n'est pas à même d'assurer. La justice et la loi, c'est deux choses différentes, bien évidemment. La justice fait appliquer la loi, mais la loi n'applique pas forcément la justice. Ouais, et puis dans tout ça, t'as la justice de classe. Et la justice de classe, bien évidemment, celle qui est là et qui nous anime tous. On espère, en tout cas, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour prendre les ondes, pour écouter du rap aux paroles un peu séditieuses, un peu tendancieuses, qui sont là pour faire grincer des dents, choquer les bonnes mœurs. Et c'est pour ça qu'on est là. Vous avez l'air un peu endormi, alors moi je vous propose de vous réveiller un peu, si ça vous dérange pas, la jeunesse. Avec, vous allez me dire, oh putain, Big Vie, c'est toujours pareil. Big Revie, tu passes toujours la même chose. Oui, on passe toujours la même chose. Vous passez de l'usine parce que quand ça va pas, t'écoutes un peu d'usine, tu serres les dents, tu serres les poings, t'as envie de mettre des coups de poing partout. Enfin, surtout dans un représentant de l'ordre. Et ça fait du bien. Ils ont sorti, plus ou moins pendant le confinement, ils l'ont sorti leur album. Ils ont sorti leur album pendant le confinement, La Goutte d'encre, ou vraiment au début du confinement, l'usine. Au tout début du confinement. Et donc, moi je voulais vous balancer deux petits sons de nos amis de l'usine, avec moi un son qui me fait bien kiffer en ce moment, avec le titre C'est comment. Je sais pas si tu l'as écouté, Drex. Ouais, cool. Le clip, il est bien cool aussi, et c'est bien, bien, bien ghetto comme bien il faut. Bien énergique. Ouais, c'est bien énergique et bien ghetto comme on aime. Toujours les mêmes, Senza, Tony Toxic, Tonio Vaquesso et mettez pas surtout Drex. Tony Toxic et souffrance aussi. Et donc deux morceaux de l'usine sur l'album La Goutte d'encre, avec Jusqu'à la vie. N'importe quoi, Jusqu'à la vie. Donc tout le monde connaît la lettre Z, bien sûr. La lettre la plus rythmée de l'alphabet, comme ils le disent eux-mêmes. Donc on va vous balancer ça, l'usine, avec le titre C'est comment, tout simplement, de l'usine. Et ça va vous faire du bien aux oreilles. On revient tout de suite après, messieurs, dames, l'usine,

correctement déboîter la nuque, puisque c'était un peu le but quand même. J'ai mal. Ça, t'as mal à ta petite nuque fragile, Drex. Bon bah c'est bien, tu t'es fait piétiner, c'est très bien. Tiens d'ailleurs justement, puisqu'on est, on vous rabâche ça depuis quelques mois, donc qui sont censés venir jouer par chez nous, mais hélas, trois fois hélas, orage, au désespoir, au vieillesse ennemie. Malheureusement, confinement oblige, l'association MC Connexion a été dans l'obligation de reporter, hélas, le concert qui était prévu de l'usine, reporté à l'année prochaine, à la même date, en septembre prochain, plus ou moins. Ça sera à bloquer la date, bien sûr. On vous tiendra au courant. Mais en tout cas, rassurez-vous, ils viendront pour souiller littéralement le paysage rap vosgien. Ça nous fera du bien un peu de prendre de la street cred dans le museau. Ça changera un peu. En tout cas, rassurez-vous, c'est pas pour autant que vos humbles serviteurs n'ont pas baissé la garde. On reste toujours là. On vous tiendra au courant des concerts qui viendront dans le coin. On compte pas laisser nos montagnes sans boom bap et sans grosse trap comme ça pendant des mois et des mois. Bien évidemment, on compte reprendre les ondes, bien évidemment, et votre attention, ladies and gentlemen. Donc c'était l'usine. J'espère que vous avez apprécié. Bande de petits bâtards. Bande de petits bâtards. Arnaud, mon cher Arnaud. Oui, dis-moi. Toi, on avait compris que t'étais donc venu là pour tirer la gueule, mais bon, Arnaud, écoute, moi je te propose un petit jeu pour détendre l'atmosphère. Vas-y, j'aime bien. T'aimes bien jouer ? On est là pour jouer avant tout aussi. Et Drex, je pense que tu seras d'accord avec moi maintenant, je pense non. Que... Si, maintenant... Et maintenant, l'heure du portrait chinois. Tu remarqueras qu'il y a du budget dans les jingles, bien sûr. Le portrait chinois. Oui, tu peux tirer la gueule en te disant que c'est 12, une transition. 15. Attends, je te le remets pour être sûr que t'es bien compris. Quand ça voudra marcher. Et ça veut pas marcher, donc tu l'entendras pas, hélas. Et maintenant, l'heure du... Non mais je sais pas, j'ai peur, en fait. Alors, le portrait chinois, mon petit Arnaud, c'est pas compliqué, comme le jeu du même nom. Si tu étais telle chose, tu serais un et pourquoi. Ok. Alors, on va commencer. Drex, t'es chaud aussi. Allez. N'hésite pas si t'en as à lui proposer. Arnaud, si tu étais une herbe aromatique, ça c'est une question existentielle. Une herbe aromatique. Alors, je suis hyper fan de plantes aromatiques. Ouais. Petit classique, basilic. Basilic. Ouais, ouais. Basilic, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Toi, Drex, tu serais quoi, toi ? Ah, j'aime bien le thym. Le thym. Ouais, c'est bon pour la gorge aussi, pour avoir une voix fluette comme toi. Moi, je serais de la coriandre. Mais ça me fait penser, grosse dédicace aux gens qui disent « Ah, oh, mais tu vas pas bien, prends-toi une infusion. » Oui, c'est vrai, effectivement. Alors que franchement, tu roules un beau gros cône, bah, ça va mieux. Ben ouais. Hein. Cure, ma gueule. De CBD. CBD. CBD est un très bon antipsychotique. Donc, à tous les camarades de psychotiques. Et moi, j'ai vu, en parlant de ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps un documentaire sur le suivi des thérapies alternatives pour soigner la dépression. Et en Allemagne, on soigne la dépression, écoute bien Drex, on soigne la dépression avec de la kétamine. Il y a des programmes, des programmes d'ingestion de kétamine qui c'est encadré par un professionnel, un thérapeute qui est là durant toute la durée de la séance aux côtés du patient et les résultats sont plus que probants en tout cas dans le traitement en particulier là des cas de dépression chronique chez les patients. Tu veux du gros fun? Ah bah toujours nous. Ouais bah du coup après ma tentative de suicide en réanimation, j'ai eu le droit à petites injections de kétamine mon gars. Ah et ça allait mieux. Ah bah je sais pas non, les rêves bizarres. Hein. Ah bah oui, il y a moyen, des rêves de cheval quoi. Ah oui non. Ah oui bah j'imagine. Des rêves de chevaux. Ou de cheval, c'est vrai que... Mais en tout cas, voilà, c'était pour dire qu'il parlait, dans ce même documentaire, il parlait de thérapie par le jardinage aussi. De thérapie par le jardinage pour les personnes qui souffrent de dépression. Non, pas forcément faire pousser que de l'amnésia ou de la White Widow, hein, vraiment faire pousser... Aussi de la Purple Haze. Non, mais je parlais de ça. De l'opium. Ce qui pourrait être vu, c'est aussi peut-être que les gens s'adaptent à nous, les dépressifs, plutôt que on doit s'adapter au monde par X moyens. Mmh. Ouais, c'est pas le monde qui doit s'adapter à nous. Effectivement. Ouais, j'arrête, je suis relou, je sais. Oh, bah écoute, on est là pour ça, de toute façon. Portrait chinois. Portrait chinois. Alors, Arnaud, si tu étais un fruit à coque. La noix. La noix. La noix, c'est hyper cool parce qu'en fait, il y a la. Quelle noix ? La noix de Grenoble, la noix classique, quoi, la noix. Parce que déjà, salade bleu-noix, c'est mortel. Mais ça va pas parler aux auditeurs de la grosse certaine, peut-être. Si, si, vas-y. Eh ben, ça ressemble à un cerveau. Oh, et donc les gens qui écoutent du rap. Non, c'est pas ça. C'est parce que un album du groupe Hiatus, un groupe de crust belge des années 90, ils ont un album parfait qui s'appelle The Brain avec un cerveau vu de dessus et ça ressemble à une noix. Et du coup, là tu m'as dit ça, je dis Hiatus quoi, cadeau. C'est vrai, c'est pas mal effectivement, ouais. Et puis en plus, c'est plein de vertus, l'huile de noix par exemple, ou les noix, tu peux faire un brownie par exemple aussi. Bah ouais. Les gens, ils aiment bien le brownie, hein, c'est vrai, faut le dire. Si tu étais, Arnaud, si tu étais un pays, c'est facile, c'est classique. Un pays, mais ça craint ça. Ouais, c'est pour ça que je te pose. Parce que déjà, bon, parce que tu sais que t'es pas nationaliste, alors. Moi, le nationalisme, c'est pas trop ma cam. T'as le droit de dire un pays, une utopie hein, par exemple aussi, hein. Ouais, mais si tu me dis une utopie, un pays va avoir des frontières, ça craint quoi. Ah, c'est beau. Vous êtes sur la Pangée. La Pangée, ouais, à la rigueur, ouais. À la rigueur, c'est pas mal. Le pays continent, il y a quelques millions d'années de ça, effectivement. Ouais, ça se tient. Ouais, peut-être plus quelque chose qui pourra te parler. Si tu étais un personnage historique célèbre. D'ultra gauche. Ah, j'ai méga gros coup de cœur de Alexandre Marius Jacob, qui était un anarchiste du début du XXe siècle, qui, selon la légende, aurait influencé la création de Gentleman des voleurs. Comment c'est déjà lui ? Arsène Lupin. Mais bon, en fait, c'était juste un anarchiste badass qui allait voler tout un tas de butins avec des méthodes de ouf et qui a la méga classe, quoi. Marius Jacob ou alors ou Louise Michel, quoi. Ah, Louise Michel, ouais. Louise Michel qui était. C'est un peu classique, tu vois, mais. Ouais, c'est classique, mais. Pour ceux qui. Tu peux nous présenter Louise Michel pour ceux qui ne connaissent pas ? Oh, ben la grande Louise Michel, institutrice de son État, qui a été extrêmement présente dans la Commune de Paris en 1871, qui était une révoltée, une anarchiste sans le vouloir forcément, mais une très grande dame et qui en a bien chié. Je crois qu'elle a été. C'est à l'île du Diable. Oui, peut-être. Ouais, ouais, l'île du Diable chose, qu'elle a été. Alors, le mot, c'est Tège que j'ai en tête, mais c'est pas ça. Qu'elle était au bagne, quoi. Elle a été. Comment on dit ? Exilée. Exilée. Exilée. Exilée. Et, voilà. Bah oui, c'est plus facile de les exiler, les anarchistes. Donc, on va dire Alexandre Marius. Michel. Voilà. Ouais, ça se tient. C'est joli. Si tu étais. Allez, parce que c'est un peu plus ou moins ce qui paraît le thème de l'émission. Si tu étais un rappeur ou une rappeuse ou un groupe de rap. Ma pote Elliot et Manu de Singe des Rues. Ah, toi tu sais faire les transitions. Hein. Oh la vache, il va bientôt prendre ma place derrière. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Tu veux nous présenter justement après ça, on va passer en musique après ça, puisque tu nous parles de Singe des Rues. Bien sûr, on va y revenir après. Une petite dernière, Drex, peut-être pour notre ami Arnaud. C'était une sauce. Une sauce. Ça, c'est génial. Une sauce au CBD. Une sauce au CBD. Ouais, ça c'est intéressant, ça. Ouais. Paraîtrait, j'ai entendu dire qu'il y en a qui font ça dans le coin. Pareil. Paraîtrait. C'est. Ouais. J'ai entendu dire ça. Ce qui paraît, il y en a qui font ça. Des burgers au CBD, j'ai entendu dire ça. Des trucs bien terrain, hein, bien street lourd. Hein, à ce qui paraît. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y goûter. J'espère. Mais en tout cas, c'est une très bonne question, mon cher Drex. Si tu étais une sauce, tu vois, quand tu veux. Toi, Damien, si tu étais une sauce. Oh, moi, je serais soit une sauce au bleu, peut-être. Ouais, ou, Ah, une sauce, non, une sauce pimente, mais ouais, c'est qui assez est... épicé, toi. Assez épicé, mais un truc qui te interdit aux porteurs de pacemaker. Et assez lourde aussi. Aux femmes enceintes, enfin aux personnes un peu fragiles, quoi. Un truc à manier avec des gants, quoi. Un truc à manier avec des gants. Si t'étais, Arnaud, un fromage. Ah, ça, c'est une question. Bah, le Munster. Ah, voilà. Putain, il sait faire du placement de produits. Hein. Munster ou alors un fromage vegan. Ah, et il y en a aussi, il y en a aussi. Et c'est une initiative que j'applaudis. Moi, je dis, enfin, faut dire ce qu'il y a aussi. On parlait de fruits à coque avec la noix de cajou. Ouais, j'ai entendu dire ça, qu'apparemment on peut faire même du Munster. Apparemment, dans le coin, il y en a qui font ça. Ouais, enfin, ça, mec, dis pas ça ici. Hein. Non, ouais, c'est non, chaud. C'est vrai que c'est chaud. Munster vegan, mon gars, tu vas te faire descendre. Bah, c'est vrai que là, c'est un peu. on va te lancer une condamnation. Une fatwa, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va te lancer une fatwa si tu dis ça. Évidemment, faut faire attention. Les mots ont de l'importance, bien sûr. Les mots ont de l'importance. Alors, on part en musique. Arnaud, tu nous parlais de Singes des Rues. Donc, un groupe qu'on apprécie particulièrement, nous, ici, à l'émission. Tu peux nous en parler un peu, Arnaud, Singes des Rues? Ben, c'est deux gars qui sont originaires du 9-3, qui ont bougé maintenant, qui sont en Ariège, là, dans un bled communauté qui s'appelle le Mas d'Asile. Il y a pas mal de choses qui se font en termes de lutte radicale, on va dire. Et c'est du pur rap à l'ancienne, avec des textes ultra sombres qui remettent en question l'autorité. Beaucoup, ça, c'est peut-être aussi ça qui me parle, mais textes vachement dépressifs. Oui, c'est vrai que... Et à la fois aussi des textes contre la psychiatrie institutionnalisée. Tu vois, on partira pas seul, alors garde tes distances. C'est formidable comme titre. On partira pas seul. Il y en a d'autres qui peuvent garder les distances. Oui, mais ça, c'est formidable comme titre, effectivement. En cas de suicide, on partira pas seul. Hein, c'est un peu plus ou moins voilà, le propos de cette chanson. Voilà, on remet un peu l'individu au centre du débat. On est tous des bombes humaines en puissance, bien évidemment, messieurs, dames. Et c'est ça qu'on vous exhorte à penser chez nous, à la Big Antenne. Si vous voulez... j'ai le droit de le dire, Arnaud? Non, c'est mort, c'est foutu. Ouais, non, on va pas le dire. Mais enfin, en tout cas, pensez au suicide utile, entre guillemets. Voilà, on va pas s'étendre plus que ça. Singes des Rues va le faire beaucoup mieux que nous avec l'album sur l'album donc Plus le temps, qui est sorti en 2013, avec donc le titre On partira pas seul et suivi par À bout de nerfs, donc deux Singes des Rues, donc deux morceaux, vous allez voir, qui vous donnent la rage au ventre. C'est un peu le thème de l'émission de ce soir. On sort du confinement, on a un peu tous les glandes. D'avoir été pisté, d'avoir été confiné, d'être obligé d'applaudir au balcon. Pour le bien de la communauté, enfin ça c'est un débat. Bizarrement, applaudir au balcon fait pas qu'ils ont un meilleur salaire. Non, effectivement. On m'aurait dit ça. Ouais, je pensais, mais ouais, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Mais ouais, peut-être qu'on peut payer en applaudissement maintenant. On pourrait essayer. Bref, on va pas s'épiloguer là-dessus. Malheureusement, monde de merde, on vous laisse avec Singes des Rues, on partira pas seul. En avant, vous êtes sur la Big Antenne. Donc je fais du son de fin du monde. Déjà 30 piges, j'ai toujours affamé. Tu crois que je m'apaise, moi? Ma rage n'est pas, j'en ai fait de mode. Quand d'autres font une famille comme des sous, je kiffe ma vingtaine. À fond sa mère. Sérieux sans fontier qui passe pas avec l'âge. Pousse et prolifie dans les recoins du mal famé. Déjà ravi si je passe l'hiver. L'avenir, une hypothèse sur laquelle je pisse en éclusant mon dernier verre. J'avance boiteux, car sans prothèse. Et pas à moi t'es fouté, genre Dieu te protège. Qu'un beau jour, c'est le réveil des prolétaires. L'espoir, c'est du fond de teint sur l'épiderme d'un macabé. Demain, c'est loin, mais pas assez. Pas de temps à perdre un macablé. J'ai le canon sur ma tempe, avec j'ai canné le thérapeute. Et son bonheur qui pue le rancer l'hosto. Ton paradis pour tous, errance de déjà mort sous Atarax à la Dexter. Moi, je suis de la race des Baxter, alors. Laisse-moi, mon angoisse et ma haine, classe-moi. Spécimen atypique, hostile à l'espèce humaine. Hérétique à la norme, hérétif au STO. Macaque incompatible qui brasse sa haine en stéréo. Soyons clairs, j'emmerde ta tolérance autant que tes races, tes catégories. Tes fausses séparations qu'il faut qu'asseoir un état de Corée. Y'a la guerre, c'est quand, la barricade ses côtés. La tolé ses capots, le capital c'est roquet. Camoufle autant que tu veux, moi j'suis pas dupe. Faut pas tout pour faire un monde, mon pote, en tout cas pas le mien. J'ai pourri à la base, la matrice est obèse. La morale perpétue le statu quo d'un système cannibale. Les yeux posés sur ma vie, un regard en arrière reste au putain de peur du vide. J'ai 30 piges et le temps passe, rien n'a changé ici. Les jours défilent sans qu'on avance, encore une fois, je suis là à brailler ma haine. Tu sens un merde plein les fesses, j'ai bien ce qu'ils veulent. Nous voir à terre, nos putains de parcours tracés, nos destins sont scellés. Désir d'évasion cadenassé dans le crâne. Et leur système se perfectionne, pendant que l'état nous camissonne, on additionne. Les fuites et les addictions, ils nous contrôlent et nous surveillent, alors on cache la rage au fond du corps comme des braises rougies sous la cendre. On se mêle aux déjà morts pour éviter de se faire prendre. On erre à la sable dans l'entre-deux, dans la zone grise. Étrange à soi-même, c'est leur règle et c'est centré. La France illicité, leur gare éteint, il paraît qu'on s'y fait. Qu'on finit, résigné un trou dans le cerveau, il paraît qu'on a retrouvé la révolte dans le caniveau asphyxié. Si leur monde est comme un cercle, il est vicieux. Impossible de s'échapper, aucune issue. Constamment sous les caméras cerbères, on se méfie de tout et tout le monde. On préfère les coins obscurs dans ce monde pervers, où les balances viennent chercher leur paye chez le commissaire, où la flic aille enfonce ses clous dans nos cercueils, faut qu'on se tire. La guerre comme solution à ce qu'on nous sert, la bave aux commissures. J'arrache ma camisole et mes crocs cherchent la jugulaire. À deux doigts du carnage, j'irai hors la loi et hors la norme, en guerre contre les uniformes. Dissident malgré les risques, une promesse gravée au thorax. Des parasites sur les portables, y'a nos portraits chez les RG, n'importe quel gars qui sale portable. Schizo, on se déguise pour des euros, désir en perne pendant des heures, traîne en zombie parmi les ombres. Claustro, des rêves dans quatre murs encastrés, on parle que d'évasion parce qu'on est partout à l'étroit. Angoissé, pressif, suicidé en sursis, on partira pas seul. Mytho, on se méfie de tout et surtout toi, comme tout est faux, on se permet tout, la vérité c'est dans la tête. Autiste, la haine de soi comme une tumeur, on tourne en Europe et on se touche, alors on s'isole et on se tait. Insomniaque, des yeux rouges et de cauchemars, des nuits blanches qui durent des jours, les lueurs bleues des gyrophares. Angoissé, précieux, suicidé en sursis, on partira pas seul. On partira pas seul. Alors psy, garde tes distances. On partira pas seul. On partira pas seul. Nos cibles insignées blouses blanches. Parano, schizo, claustro, mytho, autiste, insomniaque, angoissé, dépressif, suicidé en sursis. On partira pas seul. On partira pas seul. Baptisent des taux, leurs gosses y tapent des allers-retours. Et y'a plus tard dans la zone, dresser les uns contre les autres, complète à tous les étages. Un sale temps pour les sales pauvres, les sans-papes et les muslims, les manouches, tous les foncés de peau. La même rancaine, les mêmes conquêtes sur le bon vieux thème, d'un qui la faute. Paraît que c'est le printemps des faces, c'est leur darons et leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétain s'affichent, y'a v'là les blettes dans ce pays de l'âge qu'ont des salaires de vie chip. À qui profite la crise et qui la paye, hein? Bah comme d'hab, les miens et les miennes, à gaspiller leurs plus belles années, à grappiller les miettes. Ce monde carbure à notre sang et nos peines. On obéit la peur au bide et on se fait taxer de parasites par des vampires obèses. Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide et tâchent de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines. Porcherie. Dans le fond, je pisse toujours pas comment ils font, mais j'ai une piste, on est isolé dans nos douleurs, la colère sous muselière, un kilomètre qui s'immole au pôle emploi, ça traumatise que la guichetière. Il pleut des corps à France Télécom, on t'harcèle pour un salaire et t'incarcère pour que dalle. Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires, des idoles, des tchétchas, des histoires de terre-terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse, hein. Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des bouts de terre, combien de temps ça peut tenir à bout de nerfs? à bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Il paraît que c'est la crise, frérot, fais un effort. Tout le monde est attendu au front, les pauvres joueront la chair à Carlin comme d'hab. En attendant, ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade. Gate, la fin du monde en direct aux 20h. Marde, baisser la tête, encaisser les coups et serrer la ceinture. Chaque mois, la même galère, le même couplet. Interdit bancaire, CV bloqué, on connaît ça par cœur. Ok. Passons, toujours la même merde, façon RSA, rien ne s'arrange. Rester assis là, j'ai passé l'âge. À la cave, besoin des allocs, mais ça parle mal. Tu mords la langue et serres les poings à devenir barge. Rien qu'on pense sur le fil, entre carnage et calmant. C'est la dalle, il faut bien grailler, non. Les plus chants se tiennent la caisse à Lidl quand d'autres y montent au braco et se font des sauts pour 2-3 billets de sang. Le bide imbibé et de seum, on tire nos destins, la courte peine. Les portes sont fermées, l'ascenseur social en panne. Tous coincés au sous-sol, compter son bénéf en secret, doit pointer à l'usine. Plus ça avance, plus on est seul, plus on se divise. Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers. Alors c'est ça, bon qu'à se préparer au pire, tout en esquivant la chute. Payer le baveux, éviter le cachot. Du petit confort à la liberté, tout s'achète. Même une partie de la paix sociale, son monnaie en cash et en petit sachet. Alors ça part au quart de tour. La marmaille se rebelle, attaque un quart de tour. Et c'était la tribune présidentielle. Pendant que les actes, tu parles de parachutes dorés, de tubes planqués en Suisse. En bas des portes tortures, dans l'ombre des cellules assises. Bah ouais, faut qu'on s'unisse, comme les Wolves de Place Gezi. Fenerbahçe, Beşiktaş, à la guerre de classe comme à la guerre. Même si c'est le pot de terre et le pot de fer. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerfs? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Combien de temps ça peut tenir? 2013, y'a plus de temps. Crève la tour, une vie instant. Majeur en l'air face à l'état de ceux qui se lèvent en insultant. C'est du lourd. Quelle big antenne. Ouais, mais c'est énorme cette antenne. Mais bon Dieu, mais elle est énormément big cette antenne. C'est incroyablement amazing. On vient de vous laisser donc, messieurs dames, avec donc du singe des rues, avec le titre On partira pas seul et à bout de nerfs. Ça a été écrit en 2013. Malheureusement, toujours tristement d'actualité, peut-être encore plus que à l'époque où ils l'ont écrit. Malheureusement, société policée, société de contrôle, société d'oppression, société d'inégalité. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes et c'est pour ça qu'on est à la big antenne, pour vous distiller un peu de joie et de bonne humeur, bien sûr. C'est important de rester positif. Dans une de leurs chansons, qui a ce truc pas mal dire, prolétaires construisent les prisons et leurs gosses ils tapent des allers-retours. C'est vrai, c'est foutrement ça. Malheureusement, on pourrait pester pendant des heures et des heures sur l'état de ce monde en décrépitude, hein, bien évidemment. Mais ouais, c'est vrai que oui, à la rigueur, c'est ce qu'on fait plus ou moins déjà, là, hein, ça fait déjà deux heures, hein, à la rigueur. Et on espère que vous êtes toujours connectés, que vous êtes toujours avec nous, que vous êtes toujours sur le 107.0. Alors, messieurs, dames, puisque bon, c'est pas simplement que de la brutalité à l'antenne, c'est aussi de la joie et de la bonne humeur. Drex, est-ce que tu pourrais me trouver le numéro d'urgence à appeler pour nos chers auditeurs, nos chères auditrices? Le numéro de la radio, puisqu'on vous propose, messieurs, dames, de partir aujourd'hui avec un cadeau un peu exceptionnel, puisque, enfin, exceptionnel, exceptionnellement commun, vous me direz, comme à notre habitude, mais on vous propose aujourd'hui de repartir avec un CD et un t-shirt du fond du crew. Allez, ça c'est cadeau, et plus encore, on vous propose aussi avec notre ami Dom, qui fait des burgers, il a fait une gamme de burgers il n'y a pas longtemps, le fond du crew. On fait de l'autopromotion, excuse-nous, hein. Là, faut bien vivre, hein. Tu sais ce que c'est, hein, les traites, tout ça, les avocats, ça coûte cher. Donc notre ami Dom, il nous a fait des hamburgers Le Fond du Crou que vous pouvez tenter de gagner. Vous avez donc juste une chose à faire, messieurs dames, c'est s'emparer de votre numéro de téléphone, me dire qui est l'interprète de ce fameux son que tout le monde connaît. On a parlé de la police toute l'émission. Si je vous balance ceci, vous allez reconnaître. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Right, vous connaissez ça bien évidemment, tout le monde connaît ce sample. Simplement, de qui nous est extrait, de quel artiste, à quel rappeur doit-on ce sample? Un seul numéro, Drex, c'est le 03 29 62 40 40. 03 29 62 40 40. Et donc, ces messieurs, dames, si vous arrivez à nous dire de qui provient ce morceau, ce fameux sample d'And the Sound of the Police, messieurs, dames, le CD, le t-shirt et le burger est à vous. Quelqu'un peut aller ouvrir la porte au studio, s'il vous plaît. Merci. Et donc, messieurs, dames, vous répondez à cette question. Qui nous interprète ce fameux... Burger. J'ai quand même... Oh, 03 29 62 40 40. 03 29 62 40 40. Messieurs, dames, et à vous donc le lot à gagner pour vous. Il semblerait que ça s'agite dans les coulisses. Diantre, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il semblerait qu'il y ait de nombreux cadeaux à gagner ce soir. Messieurs, dames, donc n'hésitez pas, 03 29 62 40 40 et la surprise sera à vous. Donc Arnaud, ce morceau de singe des rues, ce côté un peu, ce côté dépressif. Il y a ce truc dépressif, mais de rage. De rage, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a ce truc vraiment de hargne, de rage. Genre, c'est pas le fun, la folie, c'est pas le fun, la dépression, c'est pas le fun, c'est pas être un bel érudit qui est en train de développer sa mélancolie ou je ne sais pas quoi. C'est en fait c'est sale, c'est moche. Oui, ça pue l'enfermement. Le cliché effectivement de voilà du fou romantique. C'est ça, ouais, la folie romantique, c'est ce que souvent les artistes de tout poil font état, quoi, de genre la folie c'est sexy, la folie c'est créatif, la folie c'est tu sais pas si c'est du fun ou de je sais pas. Par nous, il semblerait qu'on ait quelqu'un au bout du fil. Alors, exactement, sur lui. Ah, il semblerait qu'on ait des auditeurs. Est-ce que vous nous entendez? Allô, vous nous entendez? Ça gagne là-bas, c'est gagné. Ah, il semblerait qu'un souci technique indépendant de notre volonté, une fois encore, nous empêche de pouvoir assumer notre live correctement. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Oui, c'est un peu le gros bordel. Hein. Un peu le gros bordel. Bah, on dirait ma tête. Eh ben, c'est pour ça qu'on a fait ça pour toi, Arnaud. On a fait ça pour toi, bien sûr. On a fait ça pour que tu te sentes en sécurité, que tu te sentes bien. Tu vois, c'est le bordel pour tout le monde. C'est le bordel. Ah, la big antenne, c'est lieu safe, alors. Ah, c'est un lieu safe, ouais. Ah, vache. Ah, tu croyais... Ah, t'en doutais. T'en doutais. Ah, d'accord, c'est comme ça que tu nous vois. C'est comme ça que tu nous vois. Non, mais juste, je vais finir, du coup, sur ce truc-là des artistes de romantisation du spleen, là. Mm-hmm. Le spleen, là. La mélancolie. La mélancolie, c'est un terme aussi qu'on utilisait en psychiatrie. C'est un état dépressif extrêmement profond. C'est pas fun, je marche dans le sous-bois en sifflotant, quoi. Ouais, ça a tendance à m'énerver. Mais bon, comme pas mal d'autres choses depuis tout à l'heure, quoi. Oui, bah on s'énerve pour beaucoup de choses et c'est normal à la rigueur, c'est normal. Je pense que on est là aussi pour gueuler et c'est notre bon droit de toute façon. C'est notre bon droit de gueuler à l'antenne. Et mais il y a de la noirceur dans tout ça, mais il y a aussi un peu de beauté. Arnaud, tu me parlais d'une artiste, si t'étais un rappeur, une rappeuse, tu m'as dit Elliot qui nous vient encore, elle est de Toulouse aussi, c'est ça, Elliot? De Marseille maintenant, vous allez nous dire, mais décidément, il n'y a que le Sud qui a l'honneur aujourd'hui. On vous répondrait qu'à la rigueur, on fait plus ou moins ce qu'on veut, c'est notre émission, vous n'êtes pas content, un seul numéro, 0329 62 40 40, tandis que les standards sont à l'affolement. Et donc, Elliot, elle nous a fait deux morceaux sympas qu'elle nous a envoyés, avec un morceau qui s'appelle Merveille, que j'apprécie particulièrement, où elle parle un peu voilà, d'une relation, en tout cas moi je l'ai interprété comme ça, d'une relation perdue, une relation peut-être un peu toxique, mais... ce genre de relation qui vous transforme, qui vous transcende, qui vous grandisse aussi parfois, en tout cas ce genre de relation-là. Et donc elle en parle particulièrement bien avec ce titre, Merveille, qu'on vous propose d'écouter tout de suite. Et on revient juste après ça, messieurs, dames, restez connectés, vous êtes sur le 107.0. Big up, Elliot. J'en ai claqué des portes, lancé des portées à m'en sortir déporté. J'ai tapé dans les murs, brisé les murmures, à tenter de mûrir, à défaut de mourir. J'ai attendu que le temps passe en me cherchant des passe-temps, serrant les dents, mais tant que moi-même, sans que je m'aime vraiment. Maman, pourtant, tu me disais de fixer le miroir, me raconter de belles histoires. Tu me disais de m'aimer, me le dire et me le répéter, mais déjà trop amoché, l'estime de moi est filochée. À pas de loup, à pâté par le bonheur, pourtant jure les deux rages. Tu as su me donner ce courage. Manger des claques et d'avancer avec toujours plus de harmes, car jamais la vie ne nous épargne. Tu m'as appris à ne pas plier, crier, à ne pas la fermer. Tu m'as donné ce regard de loin d'être hagard, douceur à mon égard et sourires épars. Et par ta force tu m'as conduit, c'est ta force qui m'a construit. Et je suis bien la fille de ma mère, et même si amère je suis de la mer, tu m'as aidé à émerger. Et de la merde à faire émaner le meilleur de moi-même. Sachez que même au loin c'est ta merveille que sur moi ma merveille. Sachez que même au loin c'est ta merveille que sur moi ma merveille. C'est ta merveille que sur moi ma merveille. Et si je dois écrire une chanson d'amour, elle est pour toi. Tu étais mon tout, tu étais mon toit. Et notre amour ne s'arrête pas aux insultes proférées, même si j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Parce que tu as été le remède à mes angoisses, autant que celles qui m'agacent. Aujourd'hui encore, j'aime quand on dit qu'on se ressent, parce que j'aime nous voir sourire ensemble. J'étais une ado péniblement effaible, terrible, mille fois répréhensible. J'ai cherché à effacer mes faiblesses, et bien de n'être que forte. J'ai voulu foutre le feu, fuir avec fracas, incendier mon intérieur, bouffé par mon tumulte antérieur. Bambine déjà bousillée, boiteuse et bancale, qu'on cale comme on peut. Tu as été une fenêtre pour mes yeux d'enfant, m'aiguillant sans t'inspirer d'antan. Parce que t'en as mangé des gifles, des coups carrément crades et coriaces. Des issues qui laissent au sol sale et sulé. Parce que t'as poussé, piétiné, méprisé, parfois parodié. Parce qu'on t'a pris pour du bétail, ton corps comme un champ de bataille. Parce que t'en as mangé des coups carrément crades et coriaces. Des issues qui laissent au sol sale et sulé. Parce qu'on t'a poussé, piétiné, méprisé, parfois parodié. Parce qu'on t'a pris pour du bétail. Ton corps comme un champ de bataille, parce qu'on t'a pris pour du bétail, pour du bétail. Ton corps comme un champ de bataille, un champ de bataille. Parce qu'on t'a pris pour du bétail. Ton corps comme un champ de bataille, comme un champ de bataille. Ladies and gentlemen, vous êtes toujours connectés, vous êtes toujours sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. Vous êtes sur la Big Antenne. Et on vient de vous laisser donc avec un morceau de notre ami Elliot MC, avec le titre Merveille, un titre voilà qui que ça fait plaisir de mettre à l'honneur, ça fait plaisir de mettre les copains, les copines de France et de Navarre. Aujourd'hui c'est beaucoup du Sud, vous me direz, mais on va remonter un peu au Nord juste après ça, vous en faites pas. Vous en faites pas. Et il semblerait qu'on ait un appel en fort encore une fois. Alors attendez, on va essayer de prendre l'antenne directement. Alors, c'est un bordel sans nom aujourd'hui. C'est les aléas du direct. C'est sans filet, messieurs, dames. Alors, est-ce que vous nous entendez? Eh non, hélas, trois fois hélas, on fait des économies, comme ça on fait des économies. Donc votre cadeau, eh ben vous oublierez pour aujourd'hui. Vous oublierez pour aujourd'hui votre cadeau. C'est la guerre complète. C'est la guerre complète. C'est du sang direct. C'est du sang filet. C'est en direct. C'est en direct. Donc voilà. Ah bah ça faisait longtemps que les réseaux sociaux s'étaient pas affolés comme ça. Les gens sont complètement en délire. Le compteur nous indique plus de 850 000 auditeurs. On nous écoute en France, on nous écoute en Belgique, on nous écoute partout dans le monde, messieurs dames. Ça ne désemplit pas, ça ne désemplit pas. C'est la big antenne, c'est folklorique. Il y en a pour tous les goûts. C'est riche en couleurs. C'est riche en couleurs. Et vous entendez comme ça s'affole au studio. C'est complètement incompréhensible. C'est complètement incompréhensible, mais en tout cas, merci d'être fidèle au poste. Merci d'être fidèle. Et Marcus, si tu nous écoutes, en tout cas, merci aussi de nous soutenir, mon petit Marcus. Voilà. Donc on peut peut-être dire aux gens d'arrêter d'appeler, quoi. On peut dire aux gens d'arrêter d'appeler, effectivement. Malheureusement, ça sera pour l'émission prochaine. Vous pouvez arrêter d'appeler, couper tout, arrêter, appuyer sur la touche rouge et laissez-nous tranquille parce qu'on va se porter plainte contre harcèlement à force. Ah. Ah, voilà. Non, mais je vais vraiment le faire. Vous aurez des nouvelles de mon avocat si vous continuez à appeler, hein, sans déconner. Hein. Sans déconner. Non, merci en tout cas de votre compréhension, messieurs, dames. Une émission un peu spéciale qui tourne difficilement rond sur sa base carrée, on va dire. Donc, voilà, Arnaud... ah, il semblerait que... voilà, ça se calme. On parlait, on parlait de... de, voilà... de, romantisation de la folie. Romantisation de la folie, effectivement. La romantisation de la folie pour dire que, comme tu, effectivement, ce n'est pas sexy. L'image d'Épinal du fou sexy à la Johnny Depp, c'est pas ça la réalité. Le grand écrivain qui va réussir à je sais pas quoi. À se transformer sur sa feuille. Mais il y a un truc en plus, je pense, qui est assez grave aussi sur. Bon, c'est un autre aspect, c'est qui est conjoint avec la romantisation de la folie. C'est que, par exemple, dans le milieu punk, on se catalogue vite, genre comme des freaks, comme des personnes étranges, comme des anormaux. Mmh. D'un point de vue positif, quoi. Genre, on est tellement anormaux, c'est génial. Et en fait, ça. Bah, c'est pas vrai. Déjà, ouais. Et c'est pas parce que t'es une crête que du coup tu enfin mais ça revient à la même chose, c'est l'invisibilisation des vraies souffrances en fait. En fait, si on entend parler de folie créatrice, de trucs, etc., ça invisibilise les vraies souffrances et c'est là que c'est un vrai problème, je pense. Oui, bien sûr. On s'imagine que c'est quelque chose de sexy et de facile à vivre, d'être avec des troubles comme ça, parce que c'est véhiculé dans les médias, c'est véhiculé cette fausse image dans les médias, dans les représentations qu'on peut en avoir. Quand je parlais de l'image de Johnny Depp, le fou ténébreux, le brin ténébreux. À la Charles Bukowski ou autre, on a ces images d'Épinal, on a ces clichés qui font malheureusement qu'appuyer encore une fois. C'est ça, en fait. Et là, on a les deux facettes à la fois. On a le fou meurtrier et le fou romantique, créateur, etc. Et en fait, à aucun moment, ces deux facettes sont une représentation. Réel de ce qu'est la misère mentale, on va dire, quoi. Vraiment, quand tu sombres dans un coin de folie. Mais on n'aurait pas un truc cool qui est en train d'arriver là? Si, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de cool à l'antenne. Ouais, là. J'ai l'impression qu'effectivement, ce soir, c'est une émission un peu spéciale. Effectivement, comme toutes les émissions, je dirais. Sauf que là, ce soir, c'est le bordel dans tous les sens. Le standard s'affole dans tous les sens. Il y a des gens qu'on connaît pas, c'est comme dans un moulin. Et oui, par contre, si vous voulez parler, prenez un micro. Mettez-vous près du micro, par contre, si vous voulez. Et là, on avait commandé des produits régionaux. Et apparemment, on vient de nous amener nos produits régionaux. installez-vous les gars, installez-vous là, deux secondes là. Laissez de la place, les autres, s'il vous plaît, laissez de la place un peu là, sur ce qui on est pas sur Skyrock là quand même. Laissez de la place pour ceux qui viennent nous apporter la Boostify. Salut mon petit Dom, comment tu vas alors mon petit Dom? T'as un micro devant toi là, t'as un micro devant toi. Dom et Raph qui viennent de nous rapporter des petits produits de chez eux. Tu viens de nous apporter quoi alors mon petit Dom? Bonjour là, à toi. On a pris des burgers. Tu peux enlever ton masque hein, ici, ouais, non c'est bon, hein, la sociale traîtrise c'est en dehors, on est à Gamozo ici. Alors bien sûr, on a pris des burgers. Ah mais c'est gentil ça. Forcément. Le Maxi, bon, on a tout pris. On a pris poulet, on a pris Maxi. Et puis, petite surprise aussi, en avant-première, vu qu'on va avoir un partenariat bientôt, donc à faire déguster. Eh ben voilà. C'est parfait ça, c'est parfait. Des produits régionaux, bon, parce que vous savez qu'on aime les produits régionaux ici à la Big Antenne. On aime les bonnes choses, les bons produits. Et on est là pour faire un peu l'éloge de ces produits. Des burgers, oui, mais pas ceux de chez McCrado, on est bien d'accord. Nous, généralement, quand on dit venez, on va se faire un McDo, c'est plus avec une massette en fait. Hein, entre nous, on est d'accord. Hein. Allez. À la Bové, ouais. À la José Bové, effectivement. Donc, de l'américanisation dans l'assiette, oui, je dis oui. Mais avec des produits de chez nous. Avec des produits de chez nous. Ah, local, quoi. Local. Là, on est dans le terroir, là. Voilà. Là, on a du fromage qui vient de la Bresse. On est dans le bon terroir. On a des steaks hachés qui sont faits à Basse-sur-le-Rue, à la ferme Claudel. Donc, ça va, on a des bons produits. C'est pas le McDo. C'est formidable. Alors, c'est quand même... ce qu'on peut pas voir à l'antenne, là, quand même, c'est que Dom avait un beau masque donc. Avec un burger dessus. La classe. Jusqu'au boutiste. Et ça fait plaisir de faire travailler les copains aussi. Et de ne pas donner notre argent à des gros groupes industriels de l'agroalimentaire. Bien évidemment, on peut faire travailler les commerces locaux et les produits régionaux, mettre à l'honneur les bons produits du terroir. Comme il disait, bien manger, c'est le début du bonheur. Et on va bien manger, je pense, ce soir, effectivement. C'est un peu n'importe quoi comme émission, on est d'accord quand même. C'est un peu la fête à neuneu. Hein. C'est un peu la fête à neuneu, on passe de thèmes assez graves, assez lourds, on pourrait dire même. On passe du coq à l'âne, on parle de psychiatrie pour rebondir sur des burgers, le tout en musique, c'est ça l'esprit de la Big Antenne. Il y a des copains au loin qui nous interpellent de temps à autre de façon presque impulsive, outre cuidante, je ne saurais dire, et c'est ça l'esprit de la Big Antenne, mais on va conserver cette formule qui marche bien, j'ai l'impression. En tout cas, pour ma part, j'ai pas à m'en plaindre. Et moi, je vais vous balancer un peu d'un MC que j'apprécie particulièrement. Arnaud, on pourra en débattre de Taflarmature. Taflarmature, j'avoue que moi, c'est un MC que j'apprécie énormément dans sa multisyllabique, dans sa façon d'écrire, dans ses références aussi. Pour moi, c'est un peu c'est du rap de, c'est l'expression consacrée aujourd'hui de loser magnifique. C'est une expression un peu qui est vendeuse. Tu vois, comme on dit que la folie, c'est vendeuse. Le côté, tu sais, le côté loser magnifique. J'ai 35 ans, je suis au RSA, j'habite chez ma mère, j'arrive pas à boucler les fins de mois. Ce côté un peu loser là, comme ça, genre que des mecs comme Orelsan, ils ont cultivé, tu vois, pour mettre pour avoir une représentation médiatique. Je pense que notre ami Taflarmature, il est complètement dans cette mouvance-là, dans cet esprit-là. Et moi, j'avoue que il est particulièrement inspiré. J'aime beaucoup ses références. C'est des références à la striptease, des références à South Park, c'est des références à tous les freaks d'internet. Pur produit des années 90, quoi. Ouais, clairement, c'est un gros patchwork d'influence. Il y a des références à South Park et autres. Le mec, il fait beaucoup d'urbex aussi. Il a, par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que effectivement, des fois, il a des phases presque malheureusement homophobes. Après, je connais pas la personne. J'espère pouvoir avoir l'occasion de l'interviewer un jour. En tout cas, moi, je trouve que voilà, c'est particulièrement bien écrit. Et là, donc, je vais vous mettre trois morceaux de lui. Allez, deux morceaux, parce qu'il faut pas exagérer, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Un morceau qui parle d'urbex, justement, avec le titre Visite sauvage, où il raconte un peu, je crois même que dans le texte là, il parle de l'hôpital qui est à la Bresse, l'hôpital désaffecté. comment il s'appelle cet... L'Altenberg. L'Altenberg, je crois qu'il en parle dans ce son-là. Le mec, il nous vient de Noisy-le-Grand, autour de Paris. Et donc, voilà, il parle d'Urbex dans ce son-là, avec ses références à lui. Et enfin, pour comprendre un peu le perso, le mec, il vous fait son CV sur une prod de El Renardo. Le titre s'appelle CV, tout simplement, et vous allez comprendre par vous-même. C'est particulièrement inspiré, particulièrement truculent. C'est Taf l'Armature, et ça vous réjouit les oreilles. Vous êtes sur la Big Antenne. Checkez ça, mes petits loulous. Facebook, VIS, TES, AUVAGES. Ok, Taf l'Armature, visite sauvage. C'est pour les poteaux qui découvrent des îles en zodiaque. J'aime les lieux labyrinthiques qui prennent les flics en otage. Des journées à tourner dans le Vexin ou dans le 7-5. Je repère les baraques sans destin et j'y passe en clandestin. Si je touche l'euro million, j'achète Courbefille. Passe à la maison du cinéaste si t'es à court de films. Y'a des endroits magiques tels EDF ou Angicourt, interné à Maison Blanche. T'en ferais pas le tour en 10 jours. C'est vrai qu'en voyant les photos, tout paraît très cool. Sauf qu'en fait, ça rentre par le toit ou par les égouts. Une nuit sur Google Maps, c'est pas de ma faute si je galère autant. Y'a des stickers Stohu-Bohu dans les carrières de l'OTAN. Viens faire une descente en rappel par une lance d'incendie. On va s'entendre si t'affectionnes les bâtiments anciens sans vie. Irradiés à vos jours, nous on emmerde les normes. J'arpente l'hôpital désaffecté où ma grand-mère est morte. Je fais partie d'une équipe qui veut rester méconnaissable, qui fête ses anniversaires dans le métro SK. Le carnet est plein d'adresses, pas besoin d'urbex à ta base. Par contre ma gueule, tu perds la vie si tu perds la maglite. Si t'es un vrai bon, je ferai néné. Et si on est amis, on prendra peut-être l'apéro chez mémé. Y'a ma photo à Julie, mon blaze chez l'ambassadeur. Je suis en route pour l'espace, j'envoie une bise géante à ta sœur. On a fait le sanatorium, Basile, le manoir, Burus, demande à Pierre. Faut être agile, faut avoir du muscle parfois pour trouver l'entrée. T'as juste à lever la tête, je paye aucun droit de passage. Je suis chez moi à salver ma terre. J'ai le sourire quand je vois les graves de temps à la base des tempes. On descend dans les katas, dis adieu à tes baskets blanches. Je réponds pas aux messages, donc me suce pas la teub. J'ai un peu le seum quand mon pote se fait serrer au Baya Club. J'ai la clé d'une maison en désamiantage dans ma boîte à gants. On est déjà dans le mal, pas grave, Snaco envoie la grande. On fait des kilomètres, on baraude à l'IV sur Otou. Je balance un big up à Cultis, délivré sur Pro Tools. T'es un vrai si tu connais Luc Folie. Vu que le thème est bucolique et que je trouve le fort de but joli. J'aime pas les mecs qui font de l'airsoft. J'ai pas peur des gardiens, squatter, boomer, alarm, graffeur, insecte voisin dans le fond de personne. A des cases, bar à ruines et urbex, vie secrète. Et tous ceux que j'ai croisés que j'oublie à qui je dédie ce texte. Tous les urbexeurs fragiles qu'ont compris la leçon. Ceux qui trinquent avec moi dans l'escalier de colimaçon. Qui rentrent jamais chez eux, conserve au commotionné. La meilleure de mes rencontres, je l'ai faite au mausolée. Arrêtez de tout cramer. Les spots, merci, vite dommage. Demande à feu vert, c'est pas de l'urbex, c'est de la visite sauvage. Premier bol d'air, 22 janvier 83, doté de côté positif, mais l'un de mes cartes du bien, je crois. Enfance heureuse, à 3 ans, je suis baptisé, pourtant je m'éloigne de la foi quand je fais le constat de l'humanité. L'école, j'aimais pas, mais j'y allais, j'étais obligé. Vu que je la trouvais triste, on s'est marré jusqu'au lycée. Fils unique qui recherche ses repères dans l'amitié. Sache que tous les gens que j'ai aimés, mon cœur, aucun n'a quitté. À 13 ans, premier vol avec Oscar et première garde à vue marquée par mes parents. Et la peine dans leur regard, ça me tue. Je deviens adulte le jour où je vois mon père faire ses valises, ma mère en dépression, c'était triste. Mais bref, c'est la vie. Je gratte quelques textes, moins de la magie, dit le gueugue. On volait les CD de démo dans les magazines de jeux avec mes potes. La nuit dehors, les contrôles tournaient mal à chaque rentrée. On emmerdait nos darons pour des Nike, sacrée époque. Je pouvais pas bouger sans ramener mes potes. Et on faisait les sorties du G, c'est pour ça que c'est des clopes. On commence à teaser, à rapper, à draguer sur caramel. Pour ma part, si j'ai ton amitié, bah sois sûr que t'as la mienne. Ils m'ont jamais trahi à chaque embrouille, mes sauces descendaient. La pire c'était d'être sur scène, en sostène et de chanter les cours, les concerts. En fin de soirée, je terminais mort, tu sais ça. Payé après la sortie du premier hors sujet, toutes les nuits à freestyler. Attisé dans la street, la journée on faisait le mur pour entrer à Disneyland Paris pour mes parents. J'ai eu mon bac avec des antisèches, sans projet, je remets tout à demain. Mais je suis pas en bidex, j'avais besoin de thunes, alors je nettoie des sols et des chiottes. On dit que je méritais mieux, mais je pense pas, je suis désolé de mes fautes. J'écris beaucoup, j'ai des bouts de texte dans tous mes sacs à dos. Fin 2004, je combats la mort, en réa cardio, je m'en sors. Dieu merci et croise la première femme que j'aime, à qui j'ai fait du mal. J'ai pas d'excuses, un problème d'âge peut-être avec elle, je me voyais aller partout. tout c'est véridique. Mais je me suis égaré, je l'ai trompé sur Badou et Mythique. J'assume toutes mes erreurs car j'ai lutté contre mon équilibre. Bien fait, je perds mon permis après un contrôle éthylique. Je me suis relevé, je deviens le meilleur pour frauder les trains. Et je considère que si tu vas plus jamais voter, c'est bien. Ma grand-mère meurt et j'ai même pas eu le temps de lui parler. Parfois je lui demande de l'aide, les morts sont parmi nous, il paraît. J'ai perdu un boulot à cause de mon casier judiciaire. Je déprime pour les psys, je suis un super cas d'études diverses. Je refuse de les voir, je finis seul car là c'est le cœur cadenassé. J'emmène mon chien se faire euthanasier. À 30 ans je rencontre mon âme sœur, l'amour fusionnel. Et on vivra 3 ans sous le soleil avant la chute de neige. D'un jour à l'autre elle disparaît. Je me sens abandonné malgré mes sentiments et mes efforts. Fallait que ça me pendonne, détruit, j'ai touché le fond quand j'ai récupéré mes affaires. J'arrive pas à faire surface, pourtant je suis habitué à perdre. Elle m'a rayé de sa vie, oublié nos souvenirs et nos projets. Une chose est sûre, j'aurai du mal à sourire aux prochaines. Hey, yo yo yo yo yo, ladies and gentlemen, vous êtes toujours connectés, vous êtes sur le 107.0. On vient de vous laisser juste à l'instant avec du Taf l'Armature dans les oreilles. Où lui aussi, il parlait, je sais pas si t'as entendu, il parlait de ses troubles psy aussi, qui serait un formidable cas d'étude pour des psychiatres, notre ami Taf. Et effectivement, je pense que voilà, ça trouve écho avec l'émission d'aujourd'hui. Mais faudra que j'écoute parce que du coup là, j'ai pas lu. Ouais, non, bah oui, parce qu'on a la on concentration. On était plus occupé à grignoter, on va plutôt être honnête avec vous, messieurs, dames, puisque donc là, on était en train de manger des trucs qu'on vient de se faire livrer. Bah, il faut bien vivre, hein, faut pas déconner quand même, il n'y a pas de la misère que chez les pauvres. Et donc là, tu nous disais hors antenne, Raph, que là, tu nous parlais de masque. Le beau masque avec le burger que Dom avait quand il est arrivé. Ouais. Donc c'est ma femme qui a fait ça pendant le confinement. Super. Et donc tout l'argent des ventes des masques va être versé à l'association Mathilde et ses amis, Autisme et compagnie. Mmh. C'est une institutrice de Remiremont, de l'école Jules Ferry. D'accord, ouais. Elle est institutrice en maternelle, en première section, donc elle a une fille autiste, elle a créé une association, donc on s'est dit on va l'aider comme ça. Une association donc de soutien aux enfants autistes. Ouais, c'est Corinne Mougel pour la nommer. Bah, tu peux la nommer, non, t'inquiète, hein, on n'est pas... C'est pas comme si tu donnais des noms à la police, hein, chez nous, hein, t'inquiète pas. Tu peux la donner, il n'y a pas de problème. Tu peux la donner. Donc c'est une formidable initiative, effectivement. C'est important de soutenir des initiatives locales comme ça, de soutenir des projets associatifs divers et variés, bien évidemment. Et en plus de ça, en mangeant et en se faisant plaisir. Donc, vous, là, vous nous venez de... C'est comment, alors, votre restaurant? Vous pouvez nous en parler et n'en toucher deux mots Bah en fait, nous, il y avait Dom qui était de son côté, donc avec la gastronomie à Dom. Moi, bah, Raph, on a le restaurant Le Globe à Remiremont. Puis bah, pendant le confinement, on s'est retrouvés voisins malchance, quoi, ouais. Parce que tu devais être au Canada. Voilà. Et puis bah, pendant le confinement, on s'est dit bah, pourquoi pas ouvrir puis faire un petit peu de business ensemble. Donc on a créé la page Facebook DG Fooding, où on a fusionné un peu nos deux cartes. Voilà, un peu le restaurant, vraiment type restaurant. Donc des plats travaillés et puis une autre partie fooding des burgers, des choses comme ça qui se mangent rapidement avec les mains. Donc tu te retrouves avec tu peux te retrouver avec une tête de veau et puis un burger quoi, voilà, dans le même sac. Ça c'est beau effectivement. C'est des bonnes initiatives comme on aime de mettre les produits, les petits producteurs locaux à l'honneur, et ça c'est vraiment une formidable initiative. Ouais, on applaudit particulièrement. Je te coupe, excuse-moi. On le dit pas assez, mais on a quand même des bons produits dans le coin. Bien sûr. Notamment à Saint-Étienne, parce qu'on prend les œufs à Saint-Étienne, les pommes de terre aussi pour les frites, donc qui sont faites à la main, qui viennent de Saint-Étienne aussi. Donc n'hésitez pas, malgré le déconfinement, n'hésitez pas à aller faire un tour chez les agriculteurs locaux. Ils sont toujours ravis de vous recevoir. Et puis au moins voilà, le produit, vous savez d'où il vient, vous connaissez la qualité du produit, et c'est toujours une filiale qui est les bons produits. Voilà. C'est important, les bons produits. C'est ça. Non mais on est d'accord, on ne le répétera jamais assez, les bons produits. Bah, moi, je vous propose, vous allez me dire, oh la vache, mais qu'est-ce qu'ils sont doués sur les transitions. Je vous propose un petit produit local, moi, en musique, si ça vous dérange pas. Mais vraiment local, avec un. On fait du social avec lui, il est en train de manger son burger d'ailleurs. Oui, mon petit Drex. Avec deux petits sons là qui nous sortent. Qui nous viennent directement de nos contrées vosgiennes. Drex, tu as fait un featuring avec nos amis de Cellu Géléon. Tu peux nous en parler tout vite ? Bah. À la base, tu étais censé être dessus. Ouais, mais à la base, mais vu que je suis un gros branleur et que j'étais trop hardcore, on n'a pas voulu de moi. Alors, on peut dire ça comme ça. Et donc, Cellu Géléon, ils nous ont sorti un petit featuring où vous êtes plusieurs dessus, vous êtes quatre. Sur le dernier album Indigo avec le titre Indigo, ouais. Avec le titre Indigo, voilà. C'est du Géléon, donc on les avait reçus il y a quelques mois pendant l'émission. Ils avaient sorti donc leur premier EP multicolore. Là, ils reviennent avec le deuxième, avec deux nouvelles couleurs sur le deuxième EP qui s'appelle sobrement Multicolore 2. Voilà. Et ils nous reviennent là avec deux couleurs en tout cas que j'ai prévu pour vous là, avec du jaune, avec le titre jaune, et avec le titre indigo, bleu indigo, que vous allez pouvoir donc écouter avec notre copain Drex dessus. Et c'est particulièrement inspiré, ça fait plaisir de valoriser un peu les copains. On va vous balancer ça dans les oreilles sans plus attendre, messieurs, dames, restez connectés, vous êtes sur la Big Antenne, et on vous laisse avec Cellu Géléon. Here we go! C'est décidé, je prends mes clics et mes claques, j'emmène ma clique. Avec classe, on va se changer les idées. Mon équipe, mon escouade, on veut juste quitter les claques. On roule jusqu'à passer devant le soleil, on s'éclipse, on s'échappe. J'ai fait le plein d'essence, laissons ces paysages citernes. Je veux des visages qui s'aiment, plein de couleurs, bien d'essence. On n'est pas pressé, on roule sans destination. Mais ceci a le son et à volume apprécié. Faut qu'on souffle sur les nuages avec mon frère le temps qu'on roule. Vers le paradis, j'ai pu m'enfermer, j'ai plus l'âge. Laisser passer, ça me perturbe, l'imperdu 21 grammes en moins, je voyage léger. Je réponds plus, j'ai sonné. Je rêve de sommeil, de sommet. J'ai que mes sonnets et ma plume, car on a laissé quelques-unes. Mais je roule quand même vers le sommet. Pour la ligue des claques, viens, on se barre d'ici. J'ai plus rien à voir, j'ai fait le tour de la ville. J'ai plus de limites, je ne suis plus docile. Viens, on se barre, j'ai pris assez de liquide. Prends tes clics et tes claques, viens, on se barre d'ici. J'ai plus rien à voir, j'ai fait le tour de la ville. J'ai plus de limites, je ne suis plus docile. Quand on se part, j'ai pris assez de liquide. C'est décidé, pinceau jaune pour dessiner l'horizon. Ma destinée sur les ondes, loin des cinés et des ombres. Pas de contrat, là je vais signer le chemin improvisé tant que le soleil est visé. On part sans but, la frappe est dévissée. Prends ta gratte et tes riffouets, j'ai mon rap à réviser. Je regarde plus, derrière je roule sans les rétros. Plus d'arrêt, plus de métro, fais cracher la stéréo, j'en fais trop. Laisse-moi kiffer, cheveux au vent, je le fais trop peu souvent. J'écarte les nuages en soufflant, voyage léger, moi je trouve ça lourd. Tu sens comme ça a l'air, on va pas se salir vers le jaune solaire. Je réponds plus, j'ai sonné. Je rêve de sommeil, de sommet. J'ai que mes sonnets et ma plume, car on a laissé quelques-unes. Mais je roule quand même vers le sommet. Pour la ligue des claques, viens, on se barre d'ici. J'ai plus rien à voir, j'ai fait le tour de la ville. J'ai plus de limites, je ne suis plus docile. Viens, on se barre, j'ai pris assez de liquide. Tes clics et tes claques, viens on se barre d'ici. J'ai plus rien à voir, j'ai fait le tour de la ville. J'ai plus de limites, je ne suis plus docile. Viens on se barre, j'ai pris assez de liquide. Loin, je suis loin. Je réponds plus, je laisse sonner. Loin, très loin. Je rêve de sommeil. Prends tes clics et tes claques, viens on se barre d'ici. J'ai plus rien à voir, j'ai fait le tour de la ville. J'ai plus de limites, je ne suis plus docile. Viens on se barre, j'ai pris assez de liquide. Prends tes clics et tes claques, viens on se barre d'ici. J'ai plus rien à voir, j'ai fait le tour de la ville. J'ai plus de limites, je ne suis plus docile. Viens on se barre, j'ai pris assez de liquide. Thank you. a celles qui me font des avancées, ceux qui veulent me faire reculer. Personne ne veut de nous dans la danse, allez vous faire. Raconter de la merde, c'est peut-être tendance. Ce qui m'amène est très tentant. Des prods à l'appel, là c'est claque tentant. On répond à l'appel et on rappe dans le temps. J'ai bien que ça parle de notre rap d'enfant. Mais regarde la place du rap en France. C'est ce content de que ça t'offense. Je me contente vers de l'art dans le sens. Si mon brome pas, au catalan l'attend. Tant que t'es dans l'attente, ça va être rock pack. Rock track bien écrit, toujours bien dit gros. Les flammes sont bleues, le flow est indigo. Catalogué, rappeur, boom bap. Quoi t'as bugué, tu nous vois tout. Capta pour des dingues, je me sens coupable. T'as tapé mes rimes à tout va. Moi je suis possédé, rien qu'on a progressé. Non, ça va t'agresser, je te sens oppressé. Je bouge à nuque, je suis pas légitime. Je crois que langue de pute font les vitrines. Je gratte toute l'année, c'est thérapeutique. J'ai tout gagné, je crois que t'es rappeur tique. J'ai tes papiers et on est en carton. On a tout plié, on est les patrons. Du rap mignon, on est vénère, sévère. Notre passion fait kiffer, père et mère. Juste faire du son, on va passer, père et mère. Range tes pistons, coup d'éclair, laisse faire. Hein. T'as rien à piquer, moi je vais mal piquer. Vas-y, prends un ticket, tu vas rien m'attaquer. Arme-toi d'indigo, lâche ton briquet, la flamme est indigo. Wow. Zéro prudence, on fait le truc ensemble. Pas de rivaux, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues. Un gigot. Zéro prudence, on fait le truc ensemble. Pas de rivaux, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues. Un gigot. Zéro prudence, on fait le truc ensemble. Pas de rivaux, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues. Un gigot. Zéro prudence, on fait le truc ensemble. Pas de rivaux, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues. Un gigot. Dans la pénombre, t'as pas de bougie. Avec celui gelé, on les couleurs viennent. J'y rentrerai sur tous ceux qui écoutent leur peine. Plus aucun contrôle, les rames nous guident. Y'a du boom bap, on nous invite au cabaret naïf. Avec des promesses, m'épanouis. Je croise ton regard et le soleil s'élargit. Les nuages s'en vont, un ciel indigo apparaît. Me parle pas du pire. Sur le terrain, t'es une statue de tir. C'est sur la défaite que les crapules misent. On vient de faire la diff, non, y'a pas de surprise. Vous prenez les nôtres, on évite vos coups. Waouh, je crois que je suis rodé, je sors. On se couche quand chez les voisins, les rideaux s'ouvrent. Yeah. On méritera le dessert. On est passé devant, on voulait pas te gêner. Faut qu'on évolue. Restez là, c'est chiant. Pas de step by step, je fais des pas de géant. T'étudies la rime, on est agrégé. Je me pète à l'indicat, je vois tout en indigo. J'aime pas les syndicats, j'aime pas les saligos. Je me pète à l'indicat, je vois tout en indigo. J'aime pas les syndicats, j'aime pas les saligos. On va lâcher des couplets sans une bouffée d'air. C'est parti avec des potes, t'es un coup de bénère. Rap rassemble leur culture et des hétéroclites. On va faire des clips pour tenir optique. Pas la peine de forcer si t'es plus dans le coup. Si on fait ça en famille, on fait ça entre nous. On vise le podium, balèque du ventre mou. Ça se lance dans des dents chelous. J'suis pas les gangsters, j'suis pas les mecs hardcore. Le poids de notre plume va les mettre d'accord. Toujours au top, preuve tant qu'on sera deux. J'ai guetté l'horoscope, l'avenir s'annoncera Dieu. On accomplit nos rêves pendant que toi tu te plies aux normes. Le rap me rend bipolaire, j'roule des niaques multicolores. Zéro prudence, on fait le truc ensemble. Pas de rivaux, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues. Un gigot. Zéro prudence, on fait le truc ensemble. Pas de rivaux, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues. Un gigot. Zéro prudence, on fait le truc ensemble. Pas de rivaux. Je deviens rouquin, je roule une bible, un putain de bouquin. Si feuille look un peu mon poussin, j'ai masse de flow pour un plouc bouche. Donc, troisième œil ouvert, même sous terre, pilon. Les idées défilent, les défis, même me filent des frissons. Libère-toi avant la fin des temps, sinon on va tout signer au fond des temps. Indigo, chez père, incompris, solitaire, parmi animaux d'éther, ruiner la terre. Je veux juste ma bière, je veux juste ma peu. Fouais, Marianne, tu sais ma queue. Anti-FN, anti-policier, je l'ai détesté déjà au lycée. Ouvrez les yeux, tout est planifié. Putain, le futur est gratiné. Faut arrêter de procrastiner. S'il faut plonger dans la crasse, j'irai. J'rappe pour Célu, j'rappe pour Léon. J'suis dans le plan, comme Luc Besson, tu m'entends. Hors de question de perdre mon temps. Pour du vieux son, j'suis content. J'ai mon pain à la maison et t'as raison. NMS, je propage mes ondes, faut que tu te détendes. J'pète les caissons, j'presse la détente. J'fais des lésions, j'donne des leçons. J'prends pas le melon, jamais second. J'veux la légende, rime à légende. J'joue comme des gens. Fais le corbeau, c'est toi qui déchante. J'aime pas les gens, pourtant j'suis pas méchant. Mais c'est chum, j'bosse chez moi, ils pensent que j'chôme. Non mais genre, jamais j'baisse mon short. Trop t'es choqué, j'rappe chez moi, y'a pas de showcase. Trop t'es choqué, j'rappe chez moi, y'a pas de showcase. La big antenne. Waouh, mais c'était qui ce rappeur de dingue juste avant avec Célu Gédéon? C'était Big V? Non, il avait la voix trop claire pour être. Non, je pense pas. Non, je pense pas, mais ça ressemblerait à du Drex, hein, presque. C'est comme plus si... à du Silex. Ou du Silex. C'est presque comme si t'avais fait un featuring avec Soprano, en fait, Drex. Plus ou moins, quoi. Finalement, putain, mon salaud, comment tu level up, mon gars? Ça t'es en train de tenter de me clasher, là? Non, bah pourquoi? Bah on n'est pas comme ça, Drex, quand même, on n'a pas... on n'a pas cette volonté-là, on sait se tenir, on est entre personnes et adultes de bonne famille, je ne sais pas, mais bienveillants en tout cas. Contrairement à ce que certains pourraient en penser, si c'est safe ici, on fait en sorte que ça le soit en tout cas, mon cher. Non, c'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance, bah, tu vas bien, on boit des coups, on mange des produits régionaux, c'est important, c'est important. On peut pas toujours être dans la noirceur non plus. Moi, je pourrais qu'on pourrait écouter la prochaine émission, on écoutera que du black metal et puis on tirera. Mais la ouais, course. Mais ouais. Pourquoi on se fait chier? On parle pas une heure et demie de black metal misanthropique. Bah tout simplement, ça serait beaucoup mieux, je pense. Ouais. Pour mettre tout le monde d'accord. Ouais, misanthrope ou misanthropique? Misanthrope. Hein. Misanthrope. Ouais. Tout simplement, c'est vrai que ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On peut garder le concept sous le coude pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois. Arnaud, est-ce que t'es toujours un peu d'humeur joueuse? Allez. Attention, ça n'a rien de sale hein, quand je dis ça. Hein. Enfin, je veux dire, on sait se tenir quand même. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Ton corps change et tu es voilà, tu as une période où. Bref, Arnaud, je te propose l'interview que j'espère tu connais. En tout cas, je te le souhaite. Je te propose, mon cher Arnaud, l'interview. Interview, sel ou poivre, plutôt sel ou plutôt poivre. Alors Arnaud, t'as compris le principe, est-ce que t'es plutôt sel ou plutôt poivre? À toi de nous donner la réponse, mon cher Arnaud. Alors si je te dis, tu vas voir c'est pas compliqué, plutôt fromage ou dessert? Fromage. Fromage, bah oui, oui je comprends. Fromage gras. Fromage gras, oui, oui, pas du fromage de régime, on est d'accord. Non. Ah, on est d'accord. Plutôt antidépresseur ou anxiolytique? Antidépresseur, l'anxiolytique c'est vraiment de la merde, hein, faut faire attention. Hein. Ça rend addict, c'est vraiment de la merde. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Plutôt noir ou plutôt rouge? Noir. Pourquoi je pose la question? Bah, parce que j'avais la réponse, mais c'était pour être sûr. Plutôt noir. Et toi, rouge ou noir, Drex? Là, pour la prochaine carte, rouge. Ce mec est vraiment à côté. Non, sinon, ouais, non, je sais pas. J'en sais rien, en fait. C'est mes deux couleurs favorites, j'arrive pas à choisir entre les deux. Paraîtrait que le noir, c'est une absence de couleur, paraîtrait. C'est un truc de fragile de dire ça, mais... Ouais, mais le noir, c'est pas vraiment une couleur... Ouais, mais du coup, le blanc, c'est quoi? Ah, c'est toutes les couleurs réunies, plus ou moins, le blanc aussi. Oh, si je peux te permettre. Tu dis ça parce que je suis noir. Ouais, non, mais voilà, bah, je la voyais venir à 100 mètres. Entre autres. Alors, bah toi, plutôt... Dom, plutôt noir ou plutôt rouge? Plutôt rouge. Plutôt rouge. Toi, t'es plus un sanguin, toi. T'es comme moi, toi, t'es impulsif, toi. Ah, c'est ça, nous, ça déborde vite, ça déborde vite. Et toi, Raph? Moi, depuis le 10 avril, je suis plutôt noir. Depuis qu'on a bossé ensemble. Effectivement. Drex, t'en as une autre sous le coude? Ouais, tu me prends au dépourvu plutôt. Bah, ça fait chier, ça fait. CBD. CBD, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse qu'il fallait trouver, effectivement. On ne veut pas de problème. On ne fait pas la bûche n'est pas légale. Oui, et c'est pour ça que nous ne faisons pas l'apologie des drogues sur la big antenne. Certainement pas. Alors là. Ça serait vraiment très très mal nous connaître. Très vilain. C'est très vilain, bien sûr. C'est très vilain. Plutôt trap ou plutôt boom bap? Bah, boom bap. Hein. Boom bap, à ma gauche. Plutôt trap. Plutôt trap. Ouais, c'est côté afro-trap. Ah, bah ouais, je comprends. Hein, ouais. Je comprends bien. Et toi, Raph? Plutôt trap ou boom bap traditionnel en matière de rap? Je suis pas trop rap. Ouais, bon, bah c'était la réponse. Ouais, ça, moi, tu sais, moi, la musique que j'écoute, c'est un peu la musique qui se passe en dessous de chez vous, là, chez les Portugais. Ah, oui, du coup, plutôt du fado, plutôt voilà, des choses comme ça, alors. Bah, c'est superbe, le fado. Pour moi, le fado, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu cette musique, c'est. Pour moi, j'ai toujours considéré que c'était un peu du black metal. Mais c'est hyper triste, hein, le fado. C'est hyper triste. C'est la nostalgie du pays. Voilà, ouais, la nostalgie, c'est voilà, ça. C'est ouais. Ça, le fado, la morna, ce genre t'écoutes, de musique. T'écoutes ça quand tu repars des vacances, t'arrives à la frontière espagnole, t'écoutes le fado, là, t'as les larmes, quoi. C'est que tu quittes le pays. Bah oui, et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très sombre, vraiment très noir dans cette musique, quoi. C'est du blues européen, plus ou moins, hein, sans déconner. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, quoi. C'est du blues, c'est le blues européen, quoi, le fado. Hein. Ça, c'est cette même mélancolie, cette même noirceur qui transpire dans cette musique. D'ailleurs, je crois que c'est Bukowski qui dit « Je cultiverai mon âme en écoutant du fado ». Pas Charles Lucio Bukowski. On en parle un peu plus souvent de lui à l'émission. Effectivement. Plutôt console ou PC? Parce que là, tu nous disais que t'étais, qu'il y avait des geeks, là. Enfin, tu nous disais que t'étais geek. Non, mais je suis geek, genre, un truc scientifique, toi. Genre, j'essaye de me la péter, je comprends la physique quantique. Mmh. Mais, ouais, plutôt, ah ben, plutôt nerd, hein, du coup. Mais alors, du coup, plutôt geek, si on circonscrit au jeu, alors. Console ou PC, mais du coup, pour le jeu, quoi. Mmh. Ouais, console. Plutôt console, à ma gauche. Plutôt console. Plutôt console aussi, ouais. Plutôt, oui. Et toi, tu joues pas non plus. Bah, j'ai une console rangée c'est quelque part, mais... Ouais, donc elle prend la poussière. Pour regarder les films. Ouais, pour regarder Netflix, quoi. Ça prend la poussière, tout ça, ça prend la poussière, effectivement, ouais. Effectivement. Qu'est-ce que... Allez, un petit dernier, Drex, t'en as pas un sous le coude? Plutôt mer ou montagne pour les vacances? Pour les vacances, vous seriez plutôt mer ou montagne après le déconfinement? Montagne? T'es ouf, toi? Pourquoi j'irais à la plage? Sans déconner, il y a le plan d'eau. On est bien le lac des corbeaux. Il y a le lac des corbeaux et le lac noir. Et 1000 étangs, ça fait à peu près 1000 endroits où se baigner. Exactement, exactement. La mer, il n'y en a qu'une. Hein. Une fois que tu l'as vu une fois, c'est clair. Mer ou montagne à ma gauche? À montagne. Montagne. Oui, ça vous gagne, la montagne. La montagne, ça nous gagne, bien sûr. Vous voyez la vie en Vosges. Ouais, mais on voit la vie en Vosges, mais surtout, on voit la mort en Vosges. Et ça, ça Grégory. C'est... Grégory, si tu nous entends, d'où que tu sois. C'est le sapin, cas, ça. Ça sent le sapin, ouais. Quand tu dis que tu vois la mort en Vosges, c'est que tu vois, ça sent le sapin, effectivement, ouais. C'est que ça sent le sapin dans tout ça, ouais. Plutôt sarcastique ou sa poubelle? Alors, plutôt, oh, c'est une bonne question aussi, ça pourrait être une bonne question. Je vous propose, on a écouté suffisamment de sons de gens du sud, moi je vous propose de partir au nord, de partir du côté de Lille, d'aller écouter un peu ce que le copain, notre copain Aerostrat, qu'on connaissait plus autrefois sous le pseudo de Yule, Aerostrat, là qui m'a envoyé deux petites exclus à vous balancer. C'est pas encore tout à fait fini d'après ce qu'il m'a dit. Il y a encore un peu de mastering, encore un peu de mixage, mais ça reste très sympa. Le poteau Yule qu'on a eu l'occasion de faire venir jouer par chez nous il y a quelques mois de ça, enfin quelques temps de ça, c'est particulièrement inspiré. J'aime bien moi son côté. Il a un petit côté, tu sais, un petit côté gamin terrible, un peu. Un petit côté fouteur de merde comme ça et tout. Enfin, moi, ça me parle bien. Faut savoir que c'est un type vraiment très très désagréable. S'il nous entend, si tu nous entends, Yul, t'as vu, c'est Drake ce qu'il a dit, c'est pas Wham. Hein. C'est pas Wham. Hein. Donc, non, on t'aime bien. Et puis, vivement que tu reviennes ramener ta fretch dans les coins aussi. On va vous balancer donc deux morceaux qui sont en préparation dans son fourneau avec le titre Fils de Saturne. Et le titre Tablier, tout simplement. C'est parti, vous êtes sur la Big Antenne, restez connectés, on revient tout de suite après ça. Ooh yeah, motherfucker. Hey yo yo yo yo yo, ladies and gentlemen, vous êtes toujours avec nous sur le 107.0, c'est la seule fréquence qu'il vous faut, c'est la fucking Big Antenne, bien sûr. On vient de vous balancer donc du Aerostrat avec le titre Fils de Saturne et Tablier. De son prochain EP qui est en préparation, qui est dans les fours, qui ne saurait tarder à arriver. En tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir de passer des copains, des copines de France et de Navarre. D'ailleurs, hein, si jamais il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer votre son. On verra si ça correspond à la ligne éditoriale de la Big Antenne, si on peut être habilité ou non à diffuser vos sons. Voilà. En tout cas, bon, on n'est pas à la FNAC, hein, bien sûr. Hein. C'est pas un concours de jeunes talents. Vous avez envie de nous envoyer des sons, contactez-nous sans plus attendre sur les réseaux sociaux. On verra ce qu'on peut faire. Voilà. Mon petit Drex, toi tu m'as l'air endormi, je sais pas si c'est cette histoire de confinement qui a eu raison de toi. Non, c'est juste le shit. Ah ouais, ok. Ouais, ça. Oui, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Shit de CBD, hein. Ah oui, de CBD, bien sûr. De oui, bien évidemment, la broussette. Non, mais on a vu que le confinement, ça avait ramolli quand même pas mal de monde. Oui. On a vu des gars galérer avec des meufs qui étaient chaudes comme la braise. Et ils étaient vraiment en galère, ça a vraiment ramolli les esprits, hein, tu vois. Là, il est temps que il était vraiment temps que les bistrots bougent pour redynamiser tout ça, tu vois. Pauvre Damien. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Non, on disait simplement, nous on parlait pas de relations bassement genrées, comme ça, on disait juste que le confinement a eu raison, peut-être pour certains, de leur élan de créativité, de motivation, et en tout cas la Big Antenne et sa rédaction se désengagent totalement et se désolidarisent des genres de propos un peu douteux et un peu misogynes qui viennent d'avoir lieu, et voilà, non, en tout cas je tiens à m'excuser platement auprès de nos auditeurs et auditrices particulièrement. Je pense que Raph, ta fourche a dû languer, j'imagine. Mais de toute façon, voilà, on n'est pas, c'est pas un signe de rencontre. Il faut, ça, c'est pas un signe de rencontre, la Big Antenne. C'est pas, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Waouh, Drex, comment tu te sens, mon petit? Tu m'as l'air endormi. Est-ce que si je te mettais une petite prod, est-ce que ça te réveillerait un peu? Étant donné que j'ai pas de retour dans le casque, ça va être compliqué. À moins que je prenne ton casque, si toi t'as un retour. Il y a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire, mon petit Drex, hein, je crois bien. Moi. Avec grande branlardise. Avec grande, un grand laisser-aller. Mais je peux prendre ton casque si t'as le retour. Ou alors prends le casque de quelqu'un d'autre, mon petit Drex. Ça va faire. En attendant, j'avais promis, on a dit qu'on fait la promotion des copains de droite à gauche. On était censé lui passer un coup de fil pendant cette émission, mais malheureusement, les complications techniques ont eu raison de nos projets. Je passe une petite dédicace à si tu m'écoutes, poteau, qui m'écoute en Belgique. Je te passe une dédicace, Deno. Ton petit son qui vient de sortir, là tu m'as dit que ça allait être clippé dans les jours à venir. Donc le titre s'appelle John Jones. Apparemment, je vais demander la référence, c'est un combattant d'UFC. Voilà, c'est un copain que j'apprécie particulièrement, qui nous vient de Charleroi, et qui m'a envoyé ça. Donc ça fait toujours plaisir de vous partager le son des copains, des copines. Donc n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est pour le plaisir et la régalade des oreilles. On est sur la Big Antenne, on reste connecté et on revient tout de suite après. Oh my gosh! Ce n'est qu'une question de temps, je vais sauter le compte à rebours. Diabolique et le plan, faut que ton équipe les rebout. J'arrive, tu pars comme Reebok, je vois les MC sous ma semelle. Prépare ton Insta, ton Facebook, je vais baiser ton cul en insert. T'aimerais assister à ma paire, reste tranquille, t'es pas méchant. Je renifle l'odeur de la couche, sa poitrine est alléchante. Chacun ses failles, chacun sa mère, ma Elvira écarte les jambes. Je fume un trèfle à quatre feux, cousin, j'ai provoqué ma chance. Sombre pirate solo sur navire, mal à ruser, toi t'es trop naïf. J'avance, j'te laisse de l'autre côté de la rive. J'ai trop traîné, dis-leur que j'arrive. J'suis le sap aussi, ici tous payent. T'es plus sien comme John Jones. J'suis dans le game, ils vont tous dead. On a cramé Don Jones. J'suis le sap aussi, ici tous payent. T'es plus sien comme John Jones. J'suis dans le game, ils vont tous dead. On a cramé Don Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Y'a personne père, j'étais tout seul dans le barrio. Cette pute de vie, je vais la baiser, tu veux parier. Je me oublie dans le produit, je roule un cigario. J'ai de quoi doubler la mise pour mes papiers. J'suis dans le truc, j'suis dans ton huc, on prend ça peu si et la quicheta. J'suis au sommet, t'inquiète, je l'aurai. Depuis que ça marche, t'es devenu bizarre. J'prends des gros culs comme un Ibiza, j'refais l'oseille, j'repars en mission. J'prends des gros culs comme un Ibiza, j'refais l'oseille, j'repars en mission. Sombre pirate solo sur navire, mal à ruser, toi t'es trop naïf. J'avance, j'te laisse de l'autre côté de la rive. J'ai trop traîné, dis-leur que j'arrive. Tu veux ça petit, ici tous payent. T'es plus sien comme John Jones. J'suis dans le game, ils vont tous dead. On a cramé Don Jones. Tu veux ça petit, ici tous payent. T'es plus sien comme John Jones. J'suis dans le game, ils vont tous dead. On a cramé Don Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Dans la rue comme John Jones. Octogone sans règle, El Gringo unique. Wait for it. Wait for it. YJ Production. Wait for it. YJ Production. Parle-moi, leur esprit sont faibles, je monte au sommet, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, personne n'est réglo. Je rentre dans ta tête, j'entends des échos. J'étais pas le seul parmi les cassos. Toi tu parles mal, nous on se plaint en pathos. Mélodie de la thèse. A tous dans ma tête, à mille dans ma tête, à dix dans ta chenèque. Papa bite ma taille, mon cerveau m'écoute. Personne t'écoute, je me sers de mes couilles. Monte sur un gros coin, vrai que je gueule. T'es chichi, chico, non, je suis pas ton gueule. Tu te touches mes cheveux, charme mon cœur. Regarde smoker, pire moqueur. Ma folie m'éclate, car un éclat. J'la ken avec glace, du jack avec glace. Bow! Dit à Caroco, l'a troué sa chatte. On a fait de la moula, les rappeurs s'acharnent. Dit à Caroco, l'a troué sa chatte. On a fait de la moula, les rappeurs s'acharnent. On fout la merde dans la house. La chatte a mini mouse. C'est ce qu'on donne du mini mom. Je les vois comme des mini boys. Dit à Caroco, l'a troué sa chatte. On a fait de la moula, les rappeurs s'acharnent. On fout la merde dans la house. La chatte a mini mouse. C'est ce qu'on donne du mini mom. Je les vois comme des mini boys. On fout la merde dans la house. La chatte a mini mouse. Minimum, je les vois comme des mini-boys. Rôder la nuit, frôler la mort, péter la tête, péter le corps, cramer le touch, bibi au clochard. Je rentre dans ta tête pour finir dans ta techa. Pas de la chicha, la fumée que j'inhale. Je deviens gynéco pour problème vaginal. Inimaginable, une vie de luxe. Laisse-moi te pute mode de vie marginal. C'est quoi le but, faire du plus ou de l'argent? Marcher pour vivre ou mourir en marchant. L'amour en sachet, ici tout s'achète. Les flics ont fait sa fouille dans ta chaussette. Sombre le décor de moi, mes dinero. Sombre le décor de moi, mes dinero. Je veux des billets en dollars, en euros. Je veux des billets en dollars, en euros. J'ai compris le petit jeu, j'ai compris la vie. J'étais déjà dans la rue quand j'avais que 5 ans. J'ai pas tes habits, j'ai pas tes amis. Aujourd'hui j'en ai 22 qui font que j'en ai 5 ans. Tu n'as pas les couilles, j'ai le doigt qui l'a mis. Personne qui t'appelle quand t'as pas d'argent. Moi elle me suce à toi, elle fait la bille. On a croqué la rappe, je demandais à Satan. T'as pour marteau, tu t'es fait clouer. T'avais du cran, pourtant t'étais doué. J'ai bougé pour tout le monde, même pour les anciens. J'ai fait du mal, du bien, personne s'en souvient. C'est qu'on les souvienne. Que d'autre part, tourner les serviettes, couper ma part. Dit à Caro qu'on a troué sa chatte. Dit à Caro qu'on a troué sa chatte. Où est sa chatte? Dit à Caro qu'on a troué sa chatte. On a fait de la moula, les rappeurs sa chatte. Dit à Caro qu'on a troué sa chatte. On a fait de la moula, les rappeurs s'acharnent. On fout la merde dans la house. La chatte a mini mouse. C'est ce qu'on donne du minimum. Je les vois comme des mini boys. Dit à Caro qu'on a troué sa chatte. On a fait de la moula, les rappeurs s'acharnent. On fout la merde dans la house. La chatte a mini mouse. C'est ce qu'on donne du minimum. Je les vois comme des mini boys. On fout la merde dans la house. La chatte a mini mouse. Content du minimum, je les vois comme des mini boys. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. Oh yeah, ladies and gentlemen, c'est votre big antenne, bien évidemment. Et oui, le temps passe vite, trop vite, bien évidemment. Nous tous, victimes implacables de ce temps qui s'égrène sous nos yeux ébahis, malheureusement. Pauvres spectateurs de cette marche funeste, messieurs, dames, le temps passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Mais en tout cas, une chose ne changera pas, ce sera toujours votre rendez-vous Big Antenne qui reviendra le mois prochain avec une émission encore une fois particulièrement préparée, bien anticipée, sans aucun problème technique, bien évidemment, avec de la politesse, de la bonne humeur. Et tout ce qu'il faut pour faire une bonne émission, bien évidemment. Vous avez un petit tour de dédicace à faire, Arnaud? T'as des petits bouts de bisous à faire avant de rendre l'antenne? À qui je voulais faire mes dédicaces? À Pibou. Alors, un petit Pibou qui nous écoute. Un petit Pibou qui écoute. À Anne et Elliot. Ah, bah écoute, le bisou sera transmis. Bisous si consenti, je crois qu'il faut dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien évidemment, même si c'est virtuel. Dom, t'as des petits bisous à faire ? Moi, j'ai juste un petit bisou à faire. C'est la boulangerie Perrin à Vanier qui nous a suivis pendant le confinement. Et puis, je voudrais juste dire aussi que maintenant, on va rouvrir. Donc, les bistrots, ils vont ouvrir, les restaurants aussi. Bonne nouvelle. Donc, si vous voulez, on va toujours préparer à manger. Vous pouvez venir au Globe, il sera ouvert. Et même si vous voulez continuer à vous faire livrer, ce sera encore possible. Moi, pour ma part, la gastronomie à Dom, je serai plus du côté de Vanier, à l'Estaminet, parce que ça rouvre mardi matin, parfait, 7h, bien sûr. Parfait, parfait. Et puis, voilà. All right. C'est même pas de bisous à ta femme, à ton fils. Oh là là là là, non mais sans déconner. Elles sont couchées normalement. Hein, bon, bah alors voilà. Raph, il a un bisou à faire. Bah, à ma femme, à la Cuny Family, à mes clients que j'espère voir mardi. Et puis, ben, pareil, ben, avec Dom, on avait peut-être dit que peut-être dans la saison, on allait quand même faire un one-shot en DG Fooding quand même. Pour se retrouver, pourquoi pas un samedi soir. On verra sur les réseaux sociaux, on essaiera de communiquer là-dessus. Ça marche, voilà. Ça marche. Drex, un petit bisou à faire. Je vais faire un gros bisou à l'échec. Merci Drex, mais t'inquiète, tu vas le retrouver juste après l'émission. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ah, et à la honte aussi. Et à la honte. Eh ben moi, je fais un gros bisou à tous les copains, toutes les copines et à Audaron et aux frangins qui m'écoutent, qui nous écoutent et qui continuent à soutenir où que vous soyez. Merci de continuer à soutenir les initiatives locales, le rap indépendant, Kiff leur bon, le studio. On reste connectés, on reste tous ensemble. C'était la Big Antenne, c'était Big V pour vous, accompagné de Drex, de Monsieur Arnaud, de Dom, de Raph et de vous tous, chers auditeurs. Encore une fois, désolé pour les soucis techniques suite au jeu concours. Ce sera pour le mois prochain. Restez connectés. Vous étiez sur le 107.0 et c'est la seule et unique fréquence qu'il vous faut. Merci à tous. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle émission Haute en couleur. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur notre site Internet. Et sur www.radiogamozo.eu, on vous rend les studios à vous l'antenne.